Vous écoutez Radio Campus Montpellier 102.2. I love you in the morning when the blood runs to your cheeks. Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport & Chill, comme tous les lundis soirs de 19h à 21h, c'est l'épisode 8 de la saison 4 et c'est le 99e épisode de l'émission. La semaine prochaine on franchira le cap des 100 et aujourd'hui j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Lieutenant Romain. Comment ça va Romain? Ça va, la forme, ravi d'être parmi nous et surtout avec mon compère de droite. Un bon soldat, j'avais pas vu, hein. Justement, un bon soldat, retour avec nous. Troupeau, celui-là. Bonsoir à tous, vous m'avez beaucoup manqué. L'exilé parisien du coup. C'est un des regrets de la province, c'est d'avoir quitté la radio et cette émission chaleureuse. Déjà il a calé le mot province. Ouais, j'avais envie, c'était mon dilemme sur l'émission. Et puis ouais, je vous écoute de temps en temps avec plaisir, ça me rappelle de bons souvenirs. Comment ça de temps en temps, c'est pas... J'ai essayé, tu sais, mais c'est difficile. La vie parisienne, elle est pas aussi facile qu'en province. Entre le Rex, temps, faut cadrer quoi. Donc j'essaie tant que je peux de le faire, mais c'est pas toujours facile, hélas. Dans le métro avec ses écouteurs. Et ouais. En face de toi, on a ton acolyte habituel, Tim, qui lui est resté fidèle, tu vois, à l'émission. Ouais. Tim, comment ça va, Tim? Souvent fidèle. Ça va, très bien, les gars, ça va. Comment et à côté de toi, on a Guillaume qui fait son retour, Guillaume. Alors, c'était la semaine dernière, moi j'étais pas là, c'est pour ça. C'est toi qui fais le retour, Moi, je vais en faire 5 cette année déjà. De retour? Du coup, ça fait pas mal de comeback finalement. Tu es là, mon Roger? Surtout en 8 émissions. Donc voilà, l'équipe au complet, on va passer maintenant aux choses sérieuses, messieurs, on va passer aux résultats de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Et ben Guillaume, justement, je me tourne vers toi. C'est toi qui va commencer, on va parler de NBA tout de suite. Yes. Avec quelques résultats importants, Tony Parker qui revient bien malgré les doutes qu'on avait sur sa venue au Charlotte. Surtout, ça a été marqué par une semaine assez dure pour les Lakers qui ont... Putain, c'est la soupe à la grimace. Qui ont vraiment du mal à se lancer. Cleveland aussi, de l'autre côté aussi, a enchaîné pas mal de défaites. Donc on refera un point plus tard sur l'état général. Mais voilà, faut noter surtout le mauvais départ des Lakers et de Cleveland aussi, paradoxalement. Avec deux défaites contre les Spurs, notamment cette semaine. Ouais, deux défaites contre les Spurs. Dont la première assez dure en prolongue. On peut noter aussi les débuts très poussifs de Minnesota. Minnesota qui marche, c'est Milwaukee qui marche très bien. Ouais. Minnesota qui marche pas très bien aussi. Il y a OKC aussi qui a des débuts très poussifs. Donc on verra que dans ce début de saison NBA, il y a pas mal de changements, à part à la tête des deux conférences où il n'y a pas trop de surprises. Sur les 4, 5, 6e places, il y a pas mal de turnover. Donc on en parlera tout à l'heure. Avec notamment deux équipes à l'Est qui sont assez surprenantes. Qui sont habituées maintenant à bien fonctionner en phase régulière, mais qui ont l'air vraiment plus solides, je trouve, que la saison dernière. Mm-hmm. Je pense à Toronto, toujours un bien sûr, ouais, les Raptors avec Kawhi Leonard, et puis à Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo. Qui est pourtant la grosse surprise parce que il a fait une saison l'an dernier assez moyenne. Et on les pensait. Non, je parlais de Milwaukee en général. Valeur sûre. Mais c'est une surprise. Et même on voit Boston qui est relégué, je crois, à la 5e ou 6e place. Cleveland qui est par contre vraiment en fin de cycle. Ça va être très long cette année parce que c'est une équipe qui doit totalement se reconstruire. Même Philadelphie a des débuts poussifs alors que ça avait été une des bonnes surprises de l'an dernier. Donc voilà, il y a un peu Ben Simmons, je trouve. Ouais, ouais, il marque le pas aussi. Donc c'est alors que c'est une après. Saison où il faut confirmer. Ouais, voilà, pour l'instant c'est poussif. Et même de l'autre côté, à part Golden State qui assure toujours, bah, il y a pas mal de turnover. Donc voilà, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un début de saison assez étrange. Et on commence à vraiment s'inquiéter pour LeBron. On se dit que ce choix des Lakers, s'il n'y a pas du mouvement, ça peut mettre c'est du temps à prendre. Ouais, c'est très jeune comme équipe. Donc à mon avis, personne pour l'instant. S'il y a pas de changement immédiat, ça va être très moi, dur je vois pour toute la saison comme ça. Hein. Ah moi aussi, je pense que oui, c'est ça reste ambitieux. Ça sera une saison assez dans les 8 avec Lakers. Ouais ouais, ça sera compliqué pour lui, donc on va voir, mais ça va être compliqué pour les Lakers à mon avis. Justement, n'hésite pas à parler de suite hein, parce que à développer tout, ah, si j'ai tout à l'heure tout le temps. Si j'ai mais on y est là, c'est son défaut, c'est procrastiner. Moi, je vais te poser une question pour rester de justement côté français. Oui. Tony Parker, est-ce que tu peux dire qu'il retrouve un peu une seconde jeunesse rapidement avec les Hornets parce qu'on voit qu'il justement il commence à trouver sa place. Oui. Est-ce qu'il peut devenir aussi un élément majeur des Hornets, tu vois? Ah ça c'est sûr parce que dans le projet des Hornets, un joueur comme ça d'expérience, même si il est pas à son apogée naturellement, c'est sûr qu'il apporte une touche très importante et puis on voit quand même. C'est pour ça aussi qu'ils l'ont pris. Et on voit qu'il est encore quand même en bonne forme. Dans son style de jeu, il peut encore faire quelques années un très bon niveau. Et même si les Charlotte vont pas faire une saison énorme, c'est pas non plus une équipe qui est très attendue. Mais voilà, ils ont un projet qui peut être intéressant sur les 2-3 prochaines années. Ils peuvent monter en puissance. Et pour l'instant, ils font un début correct. Mais je pense que sur le temps, ils peuvent un petit peu progresser. Après, le problème, c'est que dans leur conférence, il y a des très gros collectifs et ça sera pas évident non plus. D'accord. Mais voilà, c'est intéressant à suivre en tout cas. Oui, ouais, je pense. Il y a une belle équipe autour de lui, avec Kemba Walker qui ouais, marche bien depuis le début de la saison. Et puis, justement, avec l'expérience qu'il a, c'est même sans doute un joueur qui va moins jouer sur la durée des matchs et qui va devoir savoir aussi s'économiser, ouais, mais qui sera point, pour moi je pense le sixième homme parfait notamment pour cette équipe et puis des fois bien sûr aussi dans le 5 majeur et dans le vestiaire aussi à l'image de dans une équipe qui pouvait jouer les playoffs c'est encore différent mais à l'image de Ginobili qui avait accepté d'être sixième homme aux Spurs pour apporter toute sa mesure et un petit peu de sagesse faire évoluer son jeu dans un moment qui est la phase finale d'une carrière. Très bien, merci monsieur. Voilà, donc à suivre, je ferai un point sur l'agenda, mais vraiment il y a des équipes qui vraiment déjà impressionnent et on espère que ça sera sur la durée parce que au moins ça ferait un petit peu de changement en tout cas sur la saison et peut-être sur les playoffs, peut-être pas au final parce qu'à mon avis Golden State sera quand même largement favori, mais au moins sur la saison et sur les playoffs il pourra des franchises qui vont montrer de belles choses et qui vont un peu surprendre en tout cas les dernières années de NBA on les attendait pas et là cette année c'est un peu plus ouvert, ils commencent à progresser et à bien travailler. Ouais. Mais écoute, sache qu'on aura le plaisir d'en discuter avec toi les Clippers, si jamais tu veux revenir dans l'émission. Clippers, ouais, Clippers c'est OK, c'est des projets qui sont compliqués, ouais. Mais on en reparlera, oui, t'inquiète pas. On en reparlera, voilà. Et évidemment, tu seras le bienvenu pour venir en discuter J'espère, ici. Je me tourne vers l'autre Guillaume, on va parler football. Cette fois-ci, c'était la semaine des classicos. C'était la semaine des classicos. Alors, on commence par lequel? Le vrai. Ouais, PSG, du coup. Ouna. Real Madrid, Barcelone, FC Barcelone, Real Madrid, qui s'est soldé sur une petite manita, désolé Romain. 5-1 pour le FC Barcelone. Il n'y a pas eu de match. Enfin, si, il y a eu un match, mais il y a eu... 20 minutes. Ouais. Voilà. Ouais, Il y a eu le 45e, 60e. Ouais, c'est ça. 45-60e. Ouais, mais ça a pas duré parce que cette période-là, on s'est dit, si pourquoi pas, ils pouvaient revenir. Et ça a pas duré tellement longtemps, je trouve, parce qu'après, le Barça est vite revenu de l'avant et a vraiment dominé comme en première mi-temps. Et là, on a senti que, avec le manque de confiance qu'ils ont, le Real, ils pouvaient pas revenir dedans, quoi. Donc, c'était très compliqué. Tu sens que l'équipe, mentalement, elle est vachement atteinte. Parce que quand il y a le troisième, il y avait plus personne. Bale, complètement perdu. Ouais, Kroos, après, ça a coulé complet. Ouais. Tony Kroos, c'est pas le Kroos qu'on connaît. L'ombre de lui-même. Mais même Modric, le pire, c'est que moi, j'aime beaucoup Modric. Mais le problème, c'est que quand tout le monde comme ça s'écroule, il peut pas faire grand-chose, le pauvre. En fait, il y a plus un joueur qui est au niveau. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que l'arrivée de... Alors, on parle d'Antonio Conte, même si apparemment, Romain, tu m'as dit qu'il y avait de l'odeur de gaz. Ça capote un peu. C'est pas fait, en tout cas. Est-ce que l'arrivée, d'un nouveau technicien qui va remplacer Lopetegui, que ce soit en interne, on parlait de Solari à un moment, ou Guti, non, pas Guti. Ouais, il y a eu pas mal de noms. Voilà. une autre solution. Est-ce que ça va insuffler une nouvelle dynamique va, voilà, ça va insuffler une nouvelle dynamique, ou est-ce que la saison est d'ores et déjà ratée, et est-ce que ce serait vraiment un drame pour le Real Madrid? Un drame non, parce que bon, ils en ont connu des passages faibles, hein, même si dans l'histoire récente ça a quand même été souvent du très haut niveau. Et la dernière fois que ça a été aussi faible titre, en termes de série, c'est puis après 2001, vraiment. Ouais, parce 2001, que là, ils sont vraiment sur des bases qui sont encore moins bonnes que 2009. Mais, mais honnêtement, 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné en Liga depuis 2009. Ouais, c'est pas, quand même pas bon signe. Et puis, il y a eu une grosse série de combien 480 minutes à marquer, je crois. Ouais. 481, comme avait dit Tim la semaine dernière. Ce qui m'inquiète, et ce que je regrette, en tout cas pour les supporters du Real, c'est qu'ils n'aient pas anticipé cette année-là. Ça, c'est depuis 2 ans. Déjà, Zizou, il avait dit voilà, j'ai un mercato, enfin il n'avait pas fait de mercato. Déjà, ouais, il y a des signaux avant-gardistes. Sur la même dynamique depuis un an, et là, tu sens que la dynamique est super. Tu perds Zidane et Ronaldo dans la foulée. Tu sais très bien que tu vas avoir du mal à tenir la saison d'après. Je comprends pas la gestion de Asensio non plus. Et justement, pour toi, c'était bien, mais il fallait un gros coup offensif. Pour répondre pour moi à la question de Guillaume, la seule chose effectivement qui m'inquiète, c'est que je doute un petit peu du fait que ce soit juste la question de Lopetegui n'est pas l'homme de la situation. Je pense que vraiment cette équipe est en fin de cycle, et qu'à un moment donné, notamment sur le marché des transferts, des bons choix n'ont pas été faits, notamment avoir un attaquant de classe mondiale pour prendre le relais. Donc Benzema n'est pas un attaquant de classe mondiale. Il a changé de profil, il n'a plus le même apport dans les équipes, c'est plus un vrai neuf. Au Classico, la tête qui loupe, elle est incroyable. Ah, elle est dure, ce cas-là, la loupe, ça. Il la met celle-là. Effectivement, il est moins réussi, donc je suis pas sûr que ce soit effectivement un attaquant du niveau des Lewandowski, qui joue aussi un petit peu plus bas maintenant, mais que des Icardi justement qu'on voit flamber en ce moment, ou d'autres joueurs, ou bien sûr Kylian Mbappé, ou d'autres très très grands attaquants. Ou Beric, si tu veux, un petit hommage à Sainté. Mais voilà, en tout cas, des mauvais choix ont été faits. Et est-ce que ce serait un drame pour le Real Madrid? Deuxième partie de ta question. Enfin, sur une saison, je pense non, pas. Mais non. La deuxième, par contre, ça va être plus important. Mais voilà, tu peux pas perdre deux fois à deux fois au Real. Ouais, le Real Madrid reste un des très très grands, si ce n'est, vous le savez, le plus grand club d'Europe. Et donc, une saison blanche, c'est quand même très très dangereux. C'est pour qu'à le dire. Une mauvaise nouvelle. Le Classico français maintenant. Le Classico français, alors je vais juste rappeler les résultats des grandes équipes de la Ligue 1 juste avant. Ça a commencé vendredi avec le bon nul Nîmes Saint-Etienne. Très mitigé, performance très mitigée. Samedi, Lyon a battu Angers 2-1, c'était à 17h. Et Monaco, et Monaco qui a fait 2-2 contre Dijon pour la première de Thierry Henry à domicile. C'est pas si mal. Et c'est toujours pas une victoire, ils auraient pu même perdre dans le temps additionnel. Et donc ce dimanche, 21h, la victoire du Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome, 2-0 face à Marseille, but de Kylian Mbappé à peine rentré en jeu, et de Julian Draxler à 93e. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce qu'Mbappé était remplaçant? Mbappé a été remplaçant avec Adrien Rabiot, car ils sont arrivés, selon les informations... pas les miennes, ils sont arrivés avec 4-5 minutes de retard à la causerie parce qu'ils voulaient regarder la fin du Classico espagnol. Ce qui fait que Choupo-Moting était titulaire en premier. Voyons pas regarder sur le Au Barça. Alors donc, On disait. Surtout qu'il y avait du suspense, fallait pas rater les 5 dernières minutes. Ouais, c'est ça, c'est crucial quoi. Sinon tu regardes sur ton smartphone. Non, mais ils sont sanctionnés, c'est tout à fait normal. Et c'est bien, ils sont pas. C'est bon, il a sanctionné Marseille après quoi. Et donc le Classico qui a vu une équipe B du Paris Saint-Germain, A prime, du Paris Saint-Germain affronter une équipe A de l'OM. Ouais, malheureusement. Ouais. Et il n'y a pas eu photo dans ce match, même si le PSG marque à 65e. L'OM n'a jamais été en mesure, d'inquiéter le gardien parisien. Est-ce que pour vous, l'OM a fait le match qu'il fallait, sachant que alors la nouvelle de Kylian Mbappé et d'Adrien Rabiot sur le banc est arrivée tard. La compo de l'OM devait déjà être faite. Mais est-ce que dans l'état d'esprit, est-ce qu'il ne fallait pas rentrer dans les joueurs dedans, Je pense que l'OM a raté son match de ce niveau-là. Après, qu'ils sont moins forts, ils sont moins forts. Je pense pas. Je pense que l'OM, déjà, est sur. Enfin, c'est pas la même dynamique que l'année dernière. Je pense que Garcia, il a tiré le meilleur de son effectif la saison dernière. Là, tu sens que les mecs sont pas encore revenus à leur niveau. Ils sont peut-être même physiquement un peu moins bien. Je pense à Luis Gustavo notamment. Son niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Ils ont été combatifs, déterminés. Et, voilà, ils ont joué comme des morts de faim avec leurs armes. Mais par exemple, ils ont joué sans neuf. Hein. Moi, quand j'ai vu la compo de l'OM, je me suis dit comment ils vont pouvoir marquer. Ça s'est vu, ils n'ont pas eu une seule occasion de but. Il n'y a pas de neuf à l'OM. Quand tu fais rentrer un Mitroglou, ça reste limité par rapport à Paris qui fait rentrer Mbappé. L'écart qu'on a vu ne représente même pas l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Il y a eu 2-0. Paris joue avec une équipe remaniée. Franchement, c'est pas cher payé. C'est sûr qu'on part, à mon avis, ça serait une autre tradition. D'entrée de jeu, l'OM prend une chose à prendre, c'est sûr. Somme toute, franchement, jusqu'à l'entrée d'Mbappé, un classique vraiment décevant. Oui, c'était très moyen, c'était fermé. Paris, comme moi, je m'en doutais un petit peu. T'as l'impression que j'attendais pas grand chose à part du fait que ce soit à Marseille. Mais bon. Il est venu gérer, quoi. Je savais qu'au moment où ils allaient accélérer, même quand ils font des matchs moyens, au moment où ils accélèrent, ils ont des mecs assez décisifs pour. C'est pas intéressant, quoi. Les gars, 60e, on accélère. Le problème, c'est que Marseille a pas fait ce qu'il fallait pour les embêter. Ah non, Marseille, dans le jeu, déjà, pas fait. Et puis bon, le problème, c'est que là, même des coups et même la volonté, ça suffira pas parce que t'as des mecs qui dribblent trop bien, qui vont quand même te punir. Le problème, c'est surtout, comme l'a dit Tim, c'est qu'il n'y a pas de neuf dans une équipe comme ça qui veut viser la Ligue des Champions. Pourquoi d'ailleurs Campos parce qu'il est dépité, il voit Germain, Costas. C'est le problème, c'est pour Marseille, c'est en amont. Parce moi, j'ai un droit, je pense, pour rentrer pied gauche. Ouais, mais au Campos, il a plus d'habilité. Tu m'entends faire un match correct quand même. Alors, de ce qu'il disait, c'était pas vraiment le numéro 9, Payet. Ils l'ont mis comme ça en fond de banc. Il a joué comme Fabregas. Exactement, ils étaient à 3 devant, c'était plat. Et Payet était distribué un peu plus, mais il avait pas vraiment le poste de numéro 9. Bonne remarque, Tim, sauf que Marseille, c'est pas trop la sélection espagnole, surtout à cette époque-là. Mais honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter pour Marseille parce que. Il y a Lille qui. Ouais, ce sera déjà encore un gros test. T'as Lille qui va sûrement tenir son rythme. Lyon, je pense qu'ils vont aussi remonter en puissance. Et puis Marseille, voilà, le problème c'est que leur projet, je vois pas où ils viennent. Parce que ça fait un petit moment qu'ils ont un peu d'argent, mais ils l'utilisent très mal, je trouve. Même Payet, il va commencer à prendre de l'âge. Voilà, ils ont pris des. Il a 33. Déjà, Mandanda, tu vois qu'il commence à tirer la langue. Pour lui, le premier. Non, ils ont fait du recyclage. Ils ont mis quasiment tout leur oseille sur du recyclage, sur des joueurs qui ont eu un pic de forme qui était déjà d'il y a 2-3 ans. Caleta Tchar, là, pour l'instant, il me convient pas. Ouais, et puis c'est pas des gens, même. Comment il s'appelle, Strootman. Alors, on dit Caleta Tchar, je crois. Strootman qui met du temps à s'y mettre aussi. Et puis voilà, t'as pas anticipé d'attaquant, quoi. C'est ça qui est le problème, c'est qu'à ce niveau-là, tu peux pas marquer, quoi, sur les matchs comme ça. Juste un petit mot avant de passer à un autre sujet. On a appris une triste nouvelle ce week-end en Angleterre à Leicester, le président. Je ne prononcerai pas son nom. Le président et propriétaire de Leicester qui est décédé avec 4 autres personnes dans l'accident de son hélicoptère sorti du stade. Donc tout le football anglais est en deuil. Est-ce qu'il y a une minute de silence pour Tottenham City ce soir? Je pense qu'il y aura maintenant que c'est officiel. Ouais. Et voilà, tout le monde du foot est unanime pour. C'est vraiment très dur. Et puis en plus, il est un bon président, en grande partie grâce à lui, s'ils sont arrivés à ce titre historique. Proche des supporters, donc c'est une nouvelle. Malheureusement. Ouais. Merci Guillaume, je me tourne vers toi maintenant. Tim, tu vas nous parler un peu de tennis. Tennis. Ah oui, ça t'avait manqué. Ah oui. On va commencer par le tennis féminin, puisqu'il y avait les Masters de Singapour, donc qui réunissent les 8 meilleures joueuses du circuit. Et c'est Svitolina, l'Ukrainienne, qui s'est imposée au terme d'un match accroché contre Sloane Stephens. Donc l'Ukrainienne s'est imposée 3-6, 6-2, 6-2. Elle est d'ailleurs aujourd'hui 4e mondiale. A noter que c'est son premier majeur parce qu'elle n'a pas encore remporté de grand chelem, donc à voir si ce serait un déclic. Je précise aussi que Svitolina n'a pas perdu un match du tournoi, donc c'est quand même fort. Et sachant qu'elle a joué tous ses matchs en 3-7. Donc c'est physiquement des matchs accrochés mais à chaque fois elle gagne quoi. Mentalement c'est là, ouais. Ça fait longtemps d'ailleurs que c'était pas arrivé qu'une joueuse gagne les 3 matchs de poule. Je remonterai peut-être à Serena Williams peut-être après, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Il me semble que c'est plus long. J'irai voir. Pas le Serena Williams. Juste pour rappeler, les demi-finales, c'était Svitolina qui avait écarté Kiki Bertens et Stephens qui était venu à bout de Pliskova. Bertens qui a fait un beau Masters. Très belle saison. Elle confirme après Cincinnati. Franchement, c'est prometteur pour 2019. Donc à voir. Ensuite, en tennis masculin, donc je pense que vous l'avez tous vu, Roger Federer s'est adjugé son 99e titre de sa carrière. Gilles Simon a failli Après Giroud, il a toujours embêté Roger. Mais Roger déteste jouer Gilles Simon et ça s'est encore vu. Bon, 3ème set, ça fait gâcher. Roger gagne, mais bon. Donc au final, 9ème titre à balle. 99 titres. Il a titillé du record de Jimmy Connors qui a 109. Ça va être dur à aller chercher, mais. Il peut. Ça va être dur, je pense. Il faut qu'il aille jouer. J'ai envie d'y croire. C'est ça, il faut qu'il aille jouer des 500, 250. J'ai envie d'y croire. C'est ça. Qui se délocalise, ouais. Ça serait beau. Pour rappel, les demi-finales, Roger avait battu Medvedev, qu'il avait déjà battu à Shanghai. Et la surprise du tournoi, c'était Marius Copil, qui a battu dans le même tournoi Cilic chez Zverev. Donc, belle performance. Super, son poulet. Et en parallèle, il y avait le tournoi en Autriche, à Vienne, où c'est Kevin Anderson qui a battu Nishikori assez sèchement, en 2-7, 6-3, 7-6. Nishikori est en descente, là. Voilà. Bah, écoute, il fait un bon Shanghai, il a fait un bon tournoi, il a corrigé Dominic Thiem à domicile. Mais Kevin Anderson, honnêtement, il faut le bouger là en ce moment. Il fait une bonne saison, Anderson. Depuis sa finale en Grand Chelem l'année dernière à l'US Open. Ouais. Mais là, il a gagné cette année. Aussi, ouais. Cette année, oui. Ouais, il fait une très bonne saison. Et du coup, dans le même temps, Kevin Anderson se qualifie pour les Masters, puisqu'il bloque la 8ème, qui est en fait la 7ème place, puisque Del Potro est 4ème mondial, mais qui est forfait. Donc voilà, et donc pour résumer mes 3 points, ça va être que premier majeur pour Svitolina qui est mérité, qui mentalement est une joueuse très costaud et qui fait preuve de constance dans son jeu. À l'inverse, Stephens, pour avoir vu quelques-uns de ses matchs, je trouve que ça manque de constance et surtout d'inventivité. C'est stéréotypé, c'est attentiste. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est le 99e titre pour Roger, donc qui est monté en puissance dans le tournoi et qui se rassure un peu avant le Masters et qui là s'est aligné sur Paris, le Masters 1000 de Paris-Bercy. Oui. Il va décider ce soir apparemment. Ah bon, c'était pas sûr. Parce que là, il est. Il est venu parce que t'es obligé de venir. Ok. Quand le tournoi a commencé. Mais il peut toujours. D'accord. Il peut résister. Ouais. Ouais. Okay. Ça serait dur. Donc je vous pose juste une petite question. Donc bien sûr, Roger, il va se mettre dans l'optique de jouer le Masters. Pour vous, donc du coup objectif final. Est-ce que pour vous, il est capable de battre aujourd'hui Djokovic? Alors s'il vient à Paris, le Joko actuel. S'il vient à Paris, je pense que ça va être difficile parce que physiquement, il va pêcher. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mmh. Je comprends pas trop pourquoi il vient à Paris, objectivement. Et sur le Djokovic, faire plaisir à Guy qui a bien sur le Djokovic, quelques services. Sur le Djokovic de fin de saison 2018, je vois pas. Surtout que Djokovic va chercher la première place mondiale, donc. Ouais, moi, ça sera terminé. Ça paraît compliqué. Ouais. Après, il peut ne pas avoir à le jouer. Après, nous, en tant que fan, on peut que. Par exemple, Djokovic va sûrement jouer Tsitsipas. On peut qu'on s'en réjouir, nous, après. Il a déjà battu à Toronto. En tant que fan, si on voit une finale de Bercy, Djoko Federer. La même finale que Tsitsipas. Je dis pas non, même si ça tourne mal pour Roger. C'est toujours agréable. On sait que ça sera une des dernières en plus. Donc, bon. C'est toujours bon. Et mon troisième point en conclusion, Kevin Anderson, qui pour moi sera véritablement le perturbateur des trois géants au Masters. Il est vraiment dur à bouger, honnêtement, sur une surface rapide comme ça. Ouais, c'est rapide à Londres. C'est très rapide. Ouais, donc lui, il peut se régaler. Il peut se hisser en demi. Je suis assez d'accord. Très bien, merci Tim. Un petit mot de rugby. C'était la 8ème journée du top 14 avec Clermont qui continue presque sans faute, qui a cartonné Castres 41-6 dans le match de la peur. Agen fait match nul face à Grenoble 9 partout. Match qui a dû être passionnant celui-là. Ouais, ça c'est sûr. Perpignan qui n'a toujours pas gagné après 8 journées de championnat. Ça paraît compliqué cette année pour les Catalans. Défaite à domicile contre Toulouse 36-18 et un grand Antoine Dupont avec 3 essais. Racing qui s'impose face à Pau 48-28. Là par contre on s'est régalé. On a eu du beau rugby. Et Montpellier qui s'est incliné au Stade Français, c'était le choc de cette journée, 25-20, on y reviendra tout à l'heure, dans les sports montpellier. Hein. Ensuite, pour les autres résultats, Bordeaux s'impose face à Lyon avec le bonus 35-13, et surtout, l'équipe qui ne va mal en ce moment, qui est en crise, c'est Toulon, qui à nouveau a perdu à domicile face à La Rochelle, 13-9, c'est un peu la crise hein, du côté de Toulon. Inquiétant. On va voir comment ça va se passer, surtout ils n'arrivent même pas à se rattraper en Coupe d'Europe. Je me tourne vers toi maintenant, Romain. Tu vas nous parler des autres sports, notamment de F1 par exemple. Nouvelle rubrique effectivement, depuis la semaine dernière, surtout dans ce format-là, un peu en bref, où on évoque quelques sports. Ça m'a surpris là. Et du coup les gars, vous pourrez réagir, mais pas forcément sur la F1, sachant qu'on va en parler plus tard. Mais n'hésitez pas s'il y a une news sur laquelle vous réagissez, mais bien sûr on ne pourra pas réagir sur tout. Donc démarrant avec le GP du Mexique et Max Verstappen qui s'est imposé ce week-end lors du Grand Prix, marqué par les abandons prématurés des pilotes espagnols Alonso et Sainz ou encore du local du jour Sergio Pérez. Les Red Bull ont marqué Ouais, je suis. Tout simplement. Il reste le plus jeune pilote d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est déjà le plus performant. Les Red Bull ont marqué ce GP. Ricciardo était auteur de la pole position et Verstappen vainqueur final du Grand Prix. Les pilotes Ferrari, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen terminent respectivement 3e et 4e. Et bien sûr, la nouvelle de ce week-end, 4e du Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton est devenu, sans surprise, champion du monde des pilotes pour la 5e fois de sa carrière. Il rejoint au palmarès un certain Juan Manuel Fangio. Côté français, Charles Leclerc termine à une honorable 7e place et Pierre Gasly rentre dans les points en terminant 10e. Esteban Ocon 11e, Sébastien Grosjean 16e et dernier classé Romain de ce Grand Prix. Ça fait 2 semaines que je fais ça. Romain Grosjean, Leclerc qui termine pas trop mal la saison. Ouais. Optimiste pour. Un petit mot de MotoGP. L'Espagnol Maverick Viñales de l'écurie Yamaha s'impose sur le circuit de Phillip Island lors de ce GP d'Australie. Il devance sur la ligne Andrea Iannone et Andrea Dovizioso, les deux Italiens. L'événement pour moi de ce Grand Prix, c'est la chute assez impressionnante de Johan Zarco qui allait percuter à 300 km à l'heure Marc Marquez, nouveau champion du monde depuis la semaine dernière. Et derrière l'Espagnol, les deux Italiens, le remplaçant du Jorge Lorenzo, Alvaro Bautista, termine au pied du podium, petite surprise. Et Valentino Rossi, un petit peu décevant, termine à la 6e place au classement des pilotes. Donc Dovizioso reste dauphin du champion du monde. Marc Marquez, et côté constructeur, Honda conserve pour le moment 39 points de marge sur Ducati. Il y a eu le début de saison de ski et on commence par une belle victoire côté français. Une belle victoire côté français avec Tessa Worley qui s'est imposée lors du slalom géant d'ouverture à Solden en Autriche à la suite d'une seconde manche de très haut niveau. Oui, pas loin niveau non. De très bon augure pour la suite de la saison, sachant que la française l'année dernière avait mis longtemps avant de s'imposer lors du seul géant qu'elle avait emporté à Lanzerheide au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Worley a réussi donc le meilleur chrono de la seconde manche. Elle devance Federica Brignone, meilleur temps de la première manche, et l'américaine Michaela Schifrin, connue pour son extrême polyvalence et vainqueur l'an passé du Gros Globe de Cristal. Côté français, beaucoup de satisfaction chez les féminines cette fois-ci, sachant que Adeline Munier et Taina Barrios ont fini 12e et 13e, donc aux portes du top 10. Victoria Rebensburg, l'une des plus grandes rivales de Tessa Worley cette saison et vainqueur sortante, termine 4e au pied du podium. Côté homme, rien à dire, sachant que malheureusement, le dimanche, le même slalom géant a dû être annulé à cause des conditions météorologiques. Ils devront attendre du coup la manche de Lévi dans 3 semaines en Finlande. Marc. Très bien, merci Romain. Un autre petit mot peut-être avec le rallye quand même. On revient un petit peu sport mécanique, hein, rétro-pédalage. Avec Sébastien qui revient en avec, forme. Avec un Sébastien en forme, un vrai Sébastien cette fois-ci. C'est bon, si. Sébastien Loeb et Daniel Elena qui construisent toujours et encore leur légende en remportant le rallye d'Espagne en Catalogne. Sébastien Ogier, second de ce rallye, en a profité quant à lui pour ravir la place de leader du classement des pilotes au Belge Thierry Neuville. Ogier est donc plus que jamais lancé dans la chasse vers un 6e titre de champion du monde. Pour rappel, Sébastien Loeb est à 9. Thierry Neuville reste en embuscade à 3 points d'Ogier. Ott Tanak, Toyota conserve une chance infime de l'emporter au classement général, 3e. Lors du rallye d'Australie qui terminera la saison, il a 23 points de retard sur Ogier. Donc ça devrait se jouer entre Ogier et Neuville. C'est un peu gênant quand même pour Ogier. Hein. Sébastien Loeb, il revient comme ça, il gagne le rallye. Et justement, c'est ma petite remarque. Il prend. Il a grandi dans l'ombre. Que maintenant, il arrive déjà à 6 titres. Il prend toute la lumière parce qu'il revient, il gagne finalement. Alors Ogier va sans doute aller chercher le titre, mais voilà, on parle surtout de Sébastien. Il va gâcher la fête, quoi. D'une certaine manière. Et puis peut-être Paul, un dernier sport à évoquer ce soir. Un petit mot de handball. Avec un petit mot de handball. On avait l'équipe de France, effectivement. Je crois que t'allais parler de mon équipe de Gévignac, mais non. Bon. On va en parler si tu veux. Si tu veux, n'hésite pas ensuite. Bon, c'est. Par local. Je suis pas sûr qu'on a gagné. Je suis pas sûr que ce soit Melvin Richardson qui joue à Juniac, mais ça, il y a du beau niveau, j'en suis certain. Un gros choc en plus. Donc les gars, pour cette équipe de France, donc après une belle victoire cette semaine face à une faible équipe lituanienne 42-27, c'était jeudi, la France a un petit peu plus bataillé, en début de match du moins, pour se défaire de la Roumanie, victoire 31-21. Après 10 minutes de néant, 7 échecs sur les 7 premiers tirs face au gardien roumain de Saint-Raphaël, Mihai Popescu. Ils ont repris le contrôle du match le meilleur de leur adversaire du jour. Grâce à leur défense et à l'adresse de Dikamem, auteur notamment de 5 passes, je crois, de Rémy Lee et Melvin Richardson, le Montpellierain, notre jeune équipe de France, s'est imposée, poursuivant ainsi sa promenade dans les qualifications pour l'Euro 2020. Ils ont pu notamment se passer, ou ont dû pour certains, de Karabatic, Mikael Guigou, Luc Abalo et Cédric Sorando. Ah oui, équipe B quoi. Bon, merci Romain. Et voilà tout pour cette semaine. On a fait le tour, mais écoutez, c'est parfait. On peut maintenant passer au résultat Montpellier. Sport and Chill, le sport montpelliérain. On va parler de football et Montpellier qui continue sa belle dynamique avec une victoire 3-0 chez le voisin toulousain. Trois buts signés Laborde, Delors et Sambia. Donc du coup, messieurs, je me tourne vers vous. Est-ce que les Payadins peuvent tenir la cadence? Pour rappel, ils sont troisième du classement. Est-ce qu'ils peuvent rester sur le podium jusqu'à la fin de la saison? Bah écoute, chaque... Pardon, tous les... Vas-y Guillaume, moi j'ai envie de me baser sur ton avis moi. Vas-y. C'est, alors tenir la cadence en repère, c'est un peu. Tenir la cadence, je pense qu'on peut le faire, mais est-ce que vous pensez dans cette question à rester à la troisième place? Bon, on va sur le podium, ça paraît peut-être compliqué. Voilà, parce que parmi le top 5. Ouais, top 5. Ouais. Moi je pense que oui, parce que sincèrement, donc, nous, je pense qu'on peut rester sur ce niveau-là, mais ceux de derrière, je pense à Lyon et Marseille, eux vont augmenter leur cadence. Ça c'est inévitable, Marseille aura plus de Coupe d'Europe, Lyon quasi pareil. Donc tu as une cinquième place qui bien. Peut paraître assez ouverte vu les débuts de saison de Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne ou même Nice. Bah, Saint-Etienne c'est pas mal, mais tu vois que Montpellier il y en a plus qui paraît supérieur à ce dont donc pour l'instant c'est un coup à faire. Pour l'instant il faut raison garder et ne pas s'enflammer parce qu'on a joué personne. Enfin personne. Pas encore de on a joué en fait les équipes de notre championnat. On a joué Bordeaux, Saint-Etienne, les équipes avec lesquelles on va batailler. Et après, si on peut aller prendre des points contre Marseille, déjà dimanche, je pense que c'est une bonne occasion. On reçoit Lyon juste avant Noël. Bon, Paris, bon, toi qui suis Montpellier depuis longtemps, tu sais que Montpellier, surtout ces dernières années, avait la réputation de plutôt bien réussir contre les gros. Et à l'inverse, des fois, pouvait se faire surprendre par des équipes plutôt moyennes. Bah là, c'est pas le cas. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est parce qu'on n'a pas vraiment d'avis sur la question, parce qu'ils n'ont pas joué aussi contre eux. Oui, mais bon, au pire, tu te dis que déjà, tu as fait... L'année dernière, déjà, on perd deux matchs contre les gros, enfin, les gros, appelés les gros. On perd au Parc et on perd à... Je sais plus, à Lyon. Non, on fait 0-0 à Lyon. On prend une volée à Lyon. Non, on fait 0-0 à Lyon, on perd en... Perdez pas Saint-Té par hasard? Non, je sais plus. Non, je crois qu'on perd qu'un match contre les gros. Montpellier, non. Si. L'année dernière? Ça fait nul, je crois. Ouais, ça fait nul. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, t'es fou, toi. Et non, c'est. On gagne à Saint-Etienne, but de Mbenza. Ah le vieux 0-1, là, putain. Ah bon? Ah, mais c'est la première partie de saison, on était au chou complet, quoi. Oui. Par contre, on gagne au retour. Oui, on a gagné. Je précise aussi. Est-ce qu'on va pouvoir refaire ce parcours contre les gros cette année? Je l'espère, ce serait déjà pas mal, parce que c'est, en fait, c'est des points bonus pour Montpellier. C'est pas des points sur lesquels. Tu fais le job à côté, oui, c'est des points bonus, quoi. C'est ça. Et l'année dernière, on l'a pas fait. Ouais. Donc pourquoi pas. Vous avez pas peur qu'il y ait un essoufflement physique aussi de la part de Montpellier? Qui enchaîne pour l'instant. Sauf que on a un jeu qui est quand même particulièrement basé sur l'agressivité, sur l'engagement. On n'a pas encore joué les gros. L'équipe tourne peu. Il y a un 11 qui est titulaire qui bouge pas beaucoup. Un petit peu. Parce que t'as pas peur d'arriver un peu émoussé au moment d'attaquer? C'est vrai que t'as pas un banc incroyable. Mais le truc, c'est que moi, en fait, je trouve que cette équipe de Montpellier joue un peu moins sur le physique, un peu moins sur la défensive, maintenant qu'il y a des armes offensives. Ça joue un peu plus au ballon. Ils sont un peu plus équilibrés, donc je m'inquiète un peu moins que les autres années, Il y a un changement après ça. Ils ont pallié les manquements l'année dernière, à savoir la réussite offensive. Ça marche pas mal. Il y a des joueurs qui jouent bien, un petit mollet aussi. Il fait beaucoup de bien. Non, il y a des armes intéressantes et je pense qu'ils sont plutôt polyvalents cette année, Ça sera pas facile de les bouger. Je pense que Paris va gagner encore les deux Coupes nationales. Donc, je pense, ou alors qu'un championnat, je sais pas. Des fois, se qualifier en Champions League. Alors, justement, est-ce que Montpellier n'a pas intérêt à se focaliser sur la Ligue 1 et du coup laisser un peu de côté, même si on sait que ça tient à cœur Laurent Nicolin de disputer à fond les coupes, au moins les la coupe de France, les coupes de la Ligue France, de France. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à se focaliser sur la Ligue 1? Ouais, mais le problème c'est qu'avec ce genre de calcul, tu peux te retrouver un peu et du coup, des fois. Il faut avoir un langage soutenu quand même, Timothée, même en province. D'accord, du coup, donc c'est quand même risqué. Je pense quand même qu'ils vont essayer de jouer au moins une des deux coupes. Parce que coupe ça pourrait étoffer leur raison. Et même pour la confiance, ça fait du bien aussi d'avoir un match de coupe. J'espère bien quand même qu'ils vont jouer une des deux compétitions. Après, ils ont pas l'effectif. Je vois le sens de la question. Non. Il n'y a pas un gros effectif. On marche bien en Ligue 1, donc maintenant ça devrait être notre priorité d'essayer de bien figurer parce que plus le championnat semble plus ouvert que jamais et plus faible que jamais aussi. PSG, mais aussi assez faible. Cette équipe fonctionne mieux et plus équilibrée. Par contre, effectivement, moi ça me dérangerait que pour autant on laisse de côté notamment la Coupe de France qui a son prestige et où ça peut aussi participer à leur dynamique sur la longueur de la saison si plus faire vivre un peu les supporters. Imaginez c'est toujours agréable. Imaginez qu'on puisse peux rien dire. Content. Imaginez qu'on perde des matchs et qu'on soit allé 8-10e à la trêve. Ouais. Si on est éliminé en coupe. La deuxième partie de saison, la prochaine. La saison est terminée comme l'année dernière. On perd à Monaco fin janvier en Coupe de la Ligue. Ouais, là, c'est un championnat assez tranquille. Donc tu étais en roue libre, quoi. Donc ça, ça semble quand même plutôt bien parti pour la première partie de saison, en tout cas. Oui, ouais, tu pourras jouer au moins la 6ème, 5ème place, voilà, à mon avis. La 6ème, c'est un poison. Donc vous y croyez, donc, est-ce que Montpellier puisse en tout cas faire une saison très intéressante. Il y a une chance. Vu le championnat actuel, oui. Ouais. Merci, messieurs. Je me tourne vers toi, Romain. Il y a eu quelques événements dans la région, notamment. Des événements un petit peu ponctuels. Notamment à Montpellier. Et notamment à Montpellier, avec deux événements avant de revenir. Tu le feras sur les assez traditionnellement sur les autres clubs de la ville, mais on avait deux événements avec tout d'abord le rallye des Cévennes qu'on retrouve tous les ans, donc qui est un événement médiatisé par chez nous et effectivement qui est intéressant à suivre. Et puis on a vu une victoire de celui qui est en tête du classement de la catégorie, Johan Bonato, sur sa Citroën, la crevaison de Brian Bouffier qui a permis donc d'offrir sur un plateau le titre de champion de France des rallyes asphalte à ce dernier Johan Bonato, qui a du coup été sacré lors du rallye des Cévennes, rallye donc qui a une importance d'autant plus importante. Il s'est imposé devant Quentin Gilbert, Skoda sur sa Skoda Fabia, qui a longtemps bataillé face à Giordano, et Brian Bouffier échoue donc finalement au 4e rang, donc insuffisant pour avoir encore une chance de remporter le général donc de ce classement des rallyes de championnat de France. Et ensuite un autre événement alors qui va en faire sourire certains, j'en suis sûr, mais qui a eu lieu du côté de l'Arena, et puis on a fait gagner des places notamment à Radio Campus Montpellier et donc par Sport & Chill. Merci à Flo notamment qui a pu récupérer ses places et dont j'ai profité avec les cousines qui étaient ravies d'y aller, vous vous en doutez. Donc le jumping international, bon moment en famille. Qu'est-ce qui est exactement, mais je me permets de le dire, donc le jumping international. Ouais, c'est un sport olympique. C'est un sport olympique. Alors, nous, à quoi ça consiste, parce que j'ai du mal à visualiser. On a une médaille d'or. En plus, on est médaillé effectivement d'or aux Jeux Olympiques. La France, donc en équitation, c'est la deuxième fois qu'a lieu cet événement qui a un certain succès. Donc, qui a eu lieu de mercredi à dimanche. Il est organisé en collaboration avec le centre équestre de Gramont et le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, de Montpellier-Méditerranée Métropole et de la ville. Il a permis d'accueillir près de 200 cavaliers et 350 chevaux sur plusieurs épreuves, allant du niveau amateur et professionnel au plus haut niveau, mmh. avec notamment 4 épreuves qui comptaient pour le Long Gains Ranking, qui est le classement mondial des cavaliers. Et donc on a eu des épreuves belles. Oui, effectivement. Toujours la NBA placée même pour l'équitation. Bien joué. Et donc un événement qui a bien fonctionné une nouvelle fois, qui a eu son public avec une journée dédiée au club le mercredi et qui s'est terminée en beauté le dimanche du coup avec le Grand Prix Groupe Nicolin qui a été remporté par celui qui est donc le cavalier de ce jumping international de Montpellier, Guillaume Battilla, avec son Vital Chance de la Roque. Voilà. Point équitation. Les noms des chevaux, j'ai pas Guillaume, te moque pas. Ouais, d'ailleurs effectivement les noms des chevaux m'ont fait sourire et sont fortement sympathiques. C'était un bel événement. Merci. C'était pas trop. T'as fait combien d'heures en tout? J'y ai passé un petit moment du l'après-midi de samedi. J'y étais. Ah, c'est beau. C'était sympa. C'est beau. Bonjour. Très bien, merci Romain. On passe un peu au rugby avec la défaite du MHR au Stade Français 25-20. On en a parlé tout à l'heure. Contre qui? Contre le Stade Français, contre tes amis. Ouais, mais tu vois, et je suis sûr que si Montpellier avait gagné. Incline-toi devant la capitale, va. Il a changé. Tu retournes ta veste. Un grand. Franchement, tu as changé. Parce que toi, depuis que t'es. Ça y est, maintenant, il est parisien, il met des petites chemises avec un petit peu. Il a plus sa casquette, la casquette a disparu. T'as un peu plus la confiance, je trouve. Tu vois plus ce genre de relâchement à capitale, c'est pas plus. Sérieusement, Montpellier qui s'incline à Paris 25-20, mais Montpellier qui n'a pas à rougir de sa prestation, bien au contraire. C'est bien, vous êtes bien défendu. Une équipe remaniée, des jeunes joueurs, du jeu. Un Aaron Cruden retrouvé, et puis surtout, je sais pas si Romain ou d'autres ont vu le match, mais Montpellier qui a produit un jeu léché. Attends, Montpellier qui a produit un jeu léché, pardon. Inspiration. et qui finalement décroche le point de bonus défensif. Il menait jusqu'à la 75e, mais Sekou Makalou, ce diable de Makalou, marque un essai dans les derniers instants de la partie. Ce qui fait que Montpellier finalement s'incline à Paris. Mais bon, pas de quoi s'alarmer sur cette défaite. Oh, on peut retirer beaucoup de positifs. Beaucoup de points, ouais, mais plusieurs Montpellierains ont rejoint Marcoussi avec l'équipe de France. Donc Picamol, Galtier et Fall qui ont rejoint le 15 de France et Jacques Brunel. Et aussi donc l'équipe B, on peut dire, de l'équipe de France, ce sont les Barbarians, auxquels figurent deux Montpellierains également, Antoine Guillamon et tout récemment Yvan Réac, qui profite du forfait de la Mora pour intégrer l'effectif des Barbarians. Yvan Réac, formé au club également et qui fait un super début de saison. T'allais dire quelque chose, Guillaume? Ouais, j'allais dire que je vous trouve bien indulgent sur le MHR. C'est un bon point. Quand tu mènes à 4 minutes de la fin, je trouve pas que ce soit. Non, mais vous pouvez pas imaginer que vous avez gagné contre Paris. Je parle de la prestation globale. Ouais, d'accord. Je suis d'accord, et ça fait deux fois, notamment à Newcastle aussi. Ils ont le match en main. C'est ça. Ils mènent et ils n'arrivent pas à tuer le match. Ça fait 5 fois que Montpellier prend un essai dans les 5 dernières minutes. Tout à fait, voilà. Donc il faut aussi, c'est Vincent Cotter qui l'a souligné, ça va un match à Paris, dure 80 minutes, voire même 85 minutes. 88 à Newcastle. Et pas 70. Donc ça, c'est sûr que c'est. C'est mal, ouais. C'est un point qu'il faut que Montpellier rectifie. Pour les autres sports, Montpellier, le MHB n'a pas joué puisque l'équipe de France était à l'honneur cette semaine, où des Montpellierains y étaient, comme j'allais dire Richie Porte, Valentin Porte, Gréby, Vincent Gérard et Melvin Richardson. En volée, le MUC, défaite du MUC sur le score de 3-2 à Nantes, mais reste sur le podium en 3ème position. Autre défaite, malheureusement, ce sont les Vipers de Montpellier, donc en hockey, qui s'inclinent face à Dunkerque 5-4. Montpellier est dans le ventre mou du classement à la 7ème place, donc on rappelle c'est une ligue de 14 équipes. Le futsal n'a pas joué ce week-end. Ils en sont où d'ailleurs depuis le temps que j'avoue que chaque fois je dois couper la radio au moment du futsal. Ils en sont où là? Ils sont en deuxième division de futsal et Montpellier pour l'instant est invaincu. Ah, ils sont à 5 sur 5. C'est bien. Ils caracolent en tête. Exactement, ils caracolent en tête. Alors, soit en tout cas. Ils agissent dans le programme de vital finalement. Les paulistes de Montpellier Waterpolo. Première victoire de la saison pour les paulistes de Montpellier, victoire 8-7 contre Aix-en-Provence. Et on va passer maintenant au sport féminin. Le MHC n'a pas joué ce week-end, donc le Montpellier Foot féminin. Le MRC, comme d'habitude, gagne. Ils l'ont remporté à Blagnac 15-9. Et enfin, le basket, LAT Montpellier Agglomération s'incline malheureusement à Landerneau 65-62, mais reste en tête du classement. Tu disais, Tim, c'est Coccinelle, c'est ça? Coccinelle, c'est le rugby. Ah, c'est les gazelles alors. Les gazelles, c'est le BLM en fait. C'est ça, basket. Tout à fait. Les gazelles, c'est le BLM. Ah, voilà. Voilà. C'est ce que je disais. Ah, donc, tu vois, c'est tout un zoo. Hein. On a fait le point sur le résultat à Montpellier. Hein. On va passer à notre première pause musicale. Non, Romain me dit dans l'oreillette. Je permets une modification de dernière minute parce qu'effectivement, sur les autres sports, j'ai senti que Guillaume nous regardait inquiet parce que je lui ai zappé son petit point box. Donc je lui laisse vous faire. Ces petites remarques box. Voilà, il y a un petit rétro-pédalage. Je m'en excuse. Pour faire honneur à Guillaume et je lui avais promis qu'il puisse faire un petit mot sur la boxe. Alors, gros rembobinage parce que vous avez été quelques-uns de l'émission à me demander mon avis sur le combat qui avait lieu entre Canelo et Golovkin. On en a parlé. Il y a quelques semaines. Oui, mais on m'a dit oui, on aurait aimé que tu participes et tout, on aurait aimé avoir ton avis. Donc je brièvement, oui, je pense que Canelo a largement mérité sa victoire. Mais voilà, Golovkin, on sent que c'est la fin et je pense que c'est. Passation de pouvoir, oui. Après, voilà, on a su qu'il y avait quelques mois auparavant, il y avait des petits problèmes, en tout cas, sur la clé en butérol. Donc, on a beaucoup, d'ailleurs, spécialistes de boxe aux États-Unis et même au Mexique, d'ailleurs. Pour dire l'objectivité du sujet, on y mis beaucoup de doutes apparemment sur l'état physique de Canelo, même sur l'endurance. Ah bon. Donc voilà, après voilà, bien sûr il est soumis à des tests, on verra dans les mois prochains. C'est-à-dire des doutes comme qu'il était trop performant? Et bien sur l'endurance et surtout sur le plan physique où il a pris une masse musculaire très impressionnante en peu de temps. Donc voilà, après je mets ça entre guillemets à confirmer évidemment. Après, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, forcé de reconnaître que sur le combat qu'on a vu, en tout cas, il a été au-dessus d'un Golovkin qui paraît déjà émoussé, vieillissant un petit peu, ouais, on peut le dire. Merci Guillaume. Et il y a l'autre Guillaume qui m'a glissé un mot dans l'oreille. Donc moi aussi, à nouveau, je rétropédale. Pour le sport féminin, et Montpellier a joué finalement ce week-end. Donc c'est moi qui me suis trompé. Et a fait match nul à Lille 1 partout. Et oui, j'ai été pour moi. Excusez-moi, messieurs. C'est féminin, vraiment désolé. Et messieurs, on est dans les temps. Donc Romain, je crois que tu veux dire quelque chose aussi. Je voulais revenir sur le cyclisme il y a deux semaines, j'ai oublié de dire. Sur Alejandro Valverde. Bon, moi, tu l'auras dit, ça n'aura pas été moi. C'est bon. Mais du coup, effectivement, là, ça devient un peu du n'importe quoi. Mais j'étais sur la transition sport. J'étais sur la transition sport de combat, moi, avec la boxe. Juste pour dire qu'il y avait eu des championnats du monde de lutte et qu'une Française, grande chance de médaille aux prochains Jeux Olympiques 2020, a été médaille d'argent en catégorie moins de 68 kg, Kumba Larocq. Très bien. Je devais le dire dans les autres sports. Merci beaucoup Romain. On s'est accéléré presque trop vite, tu vois. Voilà, exactement. Sport. Et puis on a 10 secondes d'avance. Donc, on n'a pas l'habitude. Tim, tu vas nous présenter ton son pour la pub. La pub. Du coup, c'est toi qui vas annoncer la musique parce que faut avoir un petit accent. Qu'est-ce qui nous a chiné celui-là? Ouais, écoute, vu le temps estival, là, comme il fait soleil, j'avais envie de vous emmener au Brésil un petit peu pour se calquer avec l'actualité et les élections brésiliennes. Du coup, j'ai choisi Negro Can, Calabesque et TBO. Merci à tous. À la suite. Salut. Toto. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para mamá, vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez. Tiempos con la cerveza al litro mirando la puesta del sol, el escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. De retour sur Sport & Chill, c'était la musique que nous avait choisi notre petit team national, c'était Negrocan Calabes qui était BO. Aujourd'hui on va avoir place au débat. Bel accent espagnol. Ouais, c'était ça, hein. Place au débat, donc je me tourne vers toi mon petit Guillaume parce qu'on va parler de Ligue des Champions aujourd'hui. Et donc je te laisse la parole. Ligue des Champions, oui, avec un retour sur les résultats de mardi et mercredi dernier. Alors on va commencer par les clubs français. C'est pas très réjouissant. Avec 3 matchs nuls, l'Olympique Lyonnais qui a fait match nul à Hoffenheim 3 partout, qui s'est fait égaliser à la 90e minute, même plus je pense, ouais, dans le temps additionnel. Le PSG qui lui a égalisé dans le temps additionnel contre Naples, ouais, pour faire 2 buts partout. Et le match nul de l'AS Monaco à Bruges, un partout. Ouais. Dans les autres résultats, le Bayern s'est imposé à la EK Athènes 2-0. La Juventus, dans le gros match de cette journée de Ligue des Champions, est allée s'imposer à Old Trafford 1-0. Le Real Madrid, Paulo Dybala, le buteur, oui. Le Real Madrid s'est imposé face à Pilsen dans la douleur 2-1. Manchester City est allé gagner au Shakhtar 3-0. C'est fort. Ouais. C'est très fort, ouais, parce que l'année dernière, ils avaient jamais perdu là-bas. Ouais, dernier match de poule. Le Barça qui a battu l'Inter mercredi 2-0. Dortmund qui a écrasé. Ouais. Ça c'est une grosse surprise. C'est ouais, une surprise qui a écrasé l'Atlético Madrid 4-0. Liverpool qui a également gagné 4-0 face à l'Étoile Rouge Belgrade dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et on pourra ajouter le match nul 2 partout de Tottenham à Eindhoven. Dans les classements, Dortmund est en tête devant l'Atlético Madrid dans son groupe. Tottenham, oui, dans le groupe du Barça et de l'Inter est quasiment éliminé. C'est le carton rouge de Lloris. Le pauvre. Et après voilà, la Roma qui est en tête devant le Real Madrid dans le groupe G avec 6 points, 6 points pour les deux équipes. Ils sont pas très bien. Ils ont battu Naples hier. Et la Juventus qui est dans le groupe H, caracole en tête avec 9 points en 3 matchs devant Manchester United 4 points et Valence 2 points. La qualification devrait se jouer entre les Anglais et les Espagnols. Romain. Du coup, on va démarrer ce débat après ce petit point résultat. On reviendra plus tard sur les équipes favorites, ceux qui nous plaisent ou ceux qui nous déçoivent pour le moment. J'adore. La première question, ce sera sur les clubs français. Guillaume nous disait effectivement que la période et notamment la semaine n'avait pas été très faste pour nos Français, c'est le moins qu'on puisse dire. Aucune victoire, ni en Ligue des Champions d'ailleurs, ni en Ligue Europa, même si le sujet du jour est la Ligue des Champions. 2 points pris. Et 2 points pris sur 18 possibles. Et c'est sachant qu'il a failli en avoir même moins, avec Naples qui s'est fait rejoindre. Il en avoir aussi 2 de plus si on s'était pas fait égaliser. Ouais, Hoffenheim n'avait pas. Ouais, oui, ça c'est effectivement. C'est vrai. Enfin. Il est clair. Donc, première question, les clubs français ont-ils réellement un temps de retard de votre point de vue vis-à-vis des autres grands clubs européens cette saison? Et puis, un ou plusieurs clubs français seront-ils en mesure tout simplement de sortir des poules? On parle pas là d'aller loin, mais de sortir des poules de cette Ligue des Champions cette saison. Alors, tu voulais commencer? J'aimerais juste introduire le débat. Je pense que ça va être une bonne ouverture, j'espère en tout cas. Je me souviens déjà, il y a, excepté Paris, qu'il y a 4-5 ans, mais voire même plus, où souvent les clubs français nous sortaient la même rengaine en excuse. On manque de moyens, on manque de bons joueurs, tout ça. Si tu regardes là par exemple la semaine dernière, sur tous les opposants des clubs français, c'est des clubs qui ont théoriquement moins de moyens que les clubs français. Ouais. Tous, excepté même Hoffenheim. Même Hoffenheim. Largement. Donc, tous. Donc ça prouve que maintenant qu'on a un petit peu plus d'argent sur certains clubs, c'est qu'on travaille toujours aussi mal. C'est-à-dire qu'il y a une question de tout dit, hein, on n'a pas rattrapé encore le retard qu'on avait depuis pas mal de temps. Ça soulève aussi la question de notre championnat de Ligue 1. Exactement, c'est, aussi, c'est sûr. Je pense que c'est aussi une question de mentalité. Je pense que les clubs français, ça va faire mal de le dire, mais je pense qu'on est un peu des losers en club français. Il faut voir notre palmarès cette saison. Il faut savoir par exemple qu'on est derrière en termes de ratio européen, on est derrière des clubs comme les clubs ukrainiens, les clubs serbes. Ouais, alors déjà, là, ça, même le Portugal ça relève aussi toute devant, la question des moyens et des ambitions. Oui, là, je sais pas. Tu gagnes plus contre ces clubs-là facilement. Non, tu gagnes plus. À la limite, historiquement, t'as jamais gagné. Je trouve qu'à la limite, tu vois, en Ligue des Champions, PSG, c'est joue contre Naples, contre Liverpool. L'Étoile Belgrade, c'était. Moi, j'aurais tendance quand même à être un peu plus. Un peu plus catégorique. Je relativise un peu plus facilement par rapport quand je vois Rennes. Oui, c'est sûr que Rennes Bordeaux, en mousse. Qui joue contre des équipes qu'on n'a jamais entendu parler avant. Jablonec, Astana. C'est surtout là le problème. Ah, ça c'est dur. Marseille doit marcher sur sa poule. Marseille, oh, pareil, Lazio. Non, non, par contre, là, je suis pas d'accord. Mais Lazio, théoriquement, en termes de Lazio, budget, c'est plus fort que Marseille, les gars. Non, mais la Lazio, oui, c'est plus fort. Mais en termes de budget, c'est pas beaucoup. C'est 70 millions, c'est pas la Roma. Et pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue au foot et Marseille. Et puis, t'as vu les joueurs qu'ils ont. La Lazio, ils ont beaucoup de renouvellement, ils ont beaucoup de départs. Ouais, mais de chaque fois, ils ont le sur immobilier. Puis, ils ont le nez, les mecs, le Wallace, qui a pas marché en France. C'est un monstre. Qui marche bien là. Il y avait un autre mec aussi devant qui a joué très bien. Il y a un joueur presque peu connu, mais qui confirme et qui sont là bons très vite, quoi. Ils ont le nez, alors que Marseille, c'est la même rengaine tous les ans. On dit alors que le club français c'est faible. L'année dernière, bon, il y a eu l'épiphénomène Marseille, voilà, en finale d'Europa League. Comme t'as vu Monaco, t'as un tous les 5 ans, c'est bien. C'est ça, t'en as un tous les 5 ans. Et après, voilà, on te sert cette soupe à faire tous les ans. Puis en moyenne, voilà, on est quand même encore bien en dessous de beaucoup. Alors quand j'entends toujours la Serie A, il n'y a pas de cap en fait qui est franchi. C'est passé au-dessus de nous, mais je suis pas d'accord. C'est pas possible de dire ça. Moi, qui ai pensé l'an dernier, qui était assez optimiste sur l'avenir du foot français, oh non, la Ligue 1, etc. Alors là, mais pas du tout. Ah non, moi, j'ai jamais été optimiste. Là, vraiment, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au niveau. Le seul qui peut briller, c'est le PSG. Il va pas sortir. Et encore, c'est le pire, c'est que le PSG, pour l'instant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vois, alors, il a une poule peut-être un peu relevée. Une poule qui est très relevée, d'accord. Et à la limite, derrière Liverpool, ils doivent terminer au moins deuxième. Au moins deuxième. En pire, si tu prends en compte que Liverpool, sur papier, ils sont dans cette histoire. Voilà, tout à fait. C'est sûr. Ils se sont fait manger. Alors que dans le jeu, ils se sont fait complètement bouffer. J'ai rarement vu ça. Paris se fait aussi. Le problème de. Bon, alors Paris, c'est encore différent. C'est une autre galaxie. Parlons des clubs de province plutôt. Oui, pardon. Oh, mais excusez-nous. Mais le problème, c'est alors dans la question, c'est un temps de retard. C'est même pas un temps de retard. C'est des années de retard. Ah, ouais. On a gagné 2 coupes d'Europe. Hein, je vous le rappelle. Ouais, sur, c'est pas énorme. Ouais. Sur 65 ans de coupe d'Europe. Il y a un petit moment déjà. Ouais. Il y a un problème de résultat qui est évident. Je crois que c'est 3 points cette semaine sur 18. 3 matchs nuls. Mais il y a dans le jeu, mais il n'y a pas une équipe qui est supérieure à l'autre. Sur le jeu, tu peux perdre un match comme Rennes, le Dynamo Kiev. Rennes, oui, Rennes fait un bon match, mais ils perdent. Ouais, mais ils perdent. Ils perdent quand même. C'est ça le problème. Sur les 6 matchs, c'est le seul où il y a une équipe française qui est au niveau de l'adversaire. L'OM, qui a, on l'a dit tout à l'heure, 180 millions de budget, ou 150. Ouais, 180, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, trop. Et l'OM, par rapport à la Lazio, c'est le double. C'est beaucoup déjà. Ils se font balader. La Lazio, ils étaient dans un fauteuil. C'est pas possible. Le Naples, qui est quand même. C'est une bonne équipe, mais par rapport à la PSG, seconde d'Italie, c'est 4 fois moins que le PSG. Sur le papier, tu regardes les joueurs, ils sont quand même normalement censés être inférieurs, mais c'est sur le plan collectif, ils s'en fait bouger. Le pire au niveau écart de budget, c'est Lyon-Offenheim. Offenheim, je crois que c'est le budget de Montpellier. C'est pas beaucoup aussi, Offenheim, c'est un petit club en Allemagne. C'est 15 000 habitants, c'est 50 millions. Lyon, c'est 300 millions, donc l'écart, le ratio, c'est x6. Mais alors là, c'était. On peut pas être comme ça accroché. C'est un miracle absolu, le 3-3. C'est 3-0 d'Offenheim, de toute façon. Sur la durée, ça va être comme ça encore des années, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on a vu une petite embellie. On a eu une belle saison déjà au niveau des résultats, puis dans le jeu c'était correct, le niveau de la Ligue 1 était sympa, c'était une belle saison, mais ça redescend direct l'année prochaine. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de projet à long terme. Quand on voit le projet de Marseille, il n'existe pas. Le projet de Monaco qui lui a des sous, c'est de vendre et de vendre. Il perd 3 joueurs aussi, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut parier. Bon, après c'est toujours le PSG on parle, mais c'est une catégorie à part. On peut pas, il stagne. Si on regarde, il n'y a aucune garantie. Enfin, là, sur le foot français actuel, tu peux pas dire ah oui, il y a telle équipe sur laquelle on peut se baser, parce que même Paris, alors on va dire oui, Paris nous ont sauvé à l'indice UEFA de nombreuses années consécutives, mais au final, c'est quoi? C'est 3-8, ça va faire. C'est 2 huitièmes. C'est pas des énormes performances, c'est des quarts au mieux. Et là, ça va sans doute pas sortir des poules. C'est des carreaux, mais pas plus. Mais ça leur fera du bien de pas sortir des poules, parce que là, il faut vraiment un électrochoc. Qu'ils performent en Europa League. Ouais. Mais même, c'est même pas ça, c'est d'avoir un électrochoc, de se dire qu'on régresse depuis 5 ans. Ouais, depuis, on est encore loin de notre projet. Quoi, depuis le quart de finale à Barcelone. Ça, tu me dégages des mecs comme Rabiot, Verratti. On régresse, ça dégage. Ça doit partir. Thiago Silva, c'est terminé. Une transition. Nasser Al-Khelaifi, c'est terminé. Au revoir, monsieur. Ces mecs-là ont manqué de rigueur. Là, tu remets en question tout un système. Oui, mais c'est pas ça à la fois, messieurs. Les gars, on se fout beaucoup là. C'est la gouvernance en fait de ces clubs qui pose problème. C'est la structuration et les ambitions qui sont menées par des présidents qui des fois ne sont pas en concordance avec ce qu'ils appliquent. Moi je trouve que vous négligez complètement le côté sportif pour l'instant, parce que dans le sens où sur le papier le PSG c'est une des meilleures équipes, moi je trouve, d'Europe sur le papier. Je parle sur le papier, ça, avec les joueurs là-dessus on est d'accord. Mais est-ce que c'est pas tout simplement un problème de rythme où le rythme européen n'a rien à voir avec le championnat français, et du coup le PSG est freiné par le niveau de Ligue 1. Non mais alors ça, okay, faire, ça, oui, ça d'accord, ouais, l'Allemagne qui balayait, facile, Bayern qui balayait pendant longtemps, qui avait 20 points d'avance, ils se promenaient, ils arrivent avec des champions, c'était quand même les champions, ils gagnaient quoi. La Juve, ils sont 7 fois champions d'affilée, ils font finale en 2015, pareil, ils survolent, voilà, aussi, ils étaient toujours là, sauf que ça pose aussi la question, est-ce que le championnat allemand est meilleur que le niveau français? Je pense que oui, ça c'est sûr, au niveau, il y avait quand même autant d'écart quoi. Oui, au niveau du jeu, oui, bah, tu vois, dans les ambitions de jeu, c'est quand même plus agréable. En Bundesliga qu'en France. La Bundesliga régresse, mais. Elle reste au-dessus, bien sûr. Rien que Dortmund, tu l'as pas en France. Ah oui, oui. Un équivalent. Non, je suis d'accord. Naples non plus. Est-ce que tu mets Dortmund au niveau de Paris? Est-ce que je sais pas, faut voir. Je sais pas, faut voir. Actuellement, Dortmund, ils sont imbougeables. Donc, pour l'instant, oui. C'est 3 matchs de Ligue des Champions, c'est pas un but de prix. Lucien Favre, il fait un gros boulot avec, avec Dortmund. Ah oui, mais c'est des mecs-là, faut les garder en France. Ça fait partir de Nice. Parce des entraîneurs comme ça. Manque d'ambition, de concordance. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je veux dire, les performances françaises actuelles, moi je suis d'accord avec toi, hein, Tim, on peut pas se cacher derrière notre niveau de championnat. Mais en tout cas, sont conformes cette année à la faiblesse assez abyssale justement de notre championnat, où on se ravit par exemple de voir Montpellier, tiens je dis Montpellier sur un débat Ligue des Champions du coup. C'est beau. C'est beau. Montpellier par exemple sur le podium, mais c'est une certaine anomalie et qui montre que... Les tauliers font pas le mal aussi. On dirait en Espagne en ce moment les cartes sont un peu rebattues aussi. On a la veste deuxième. Mais bon, on sait qu'il y a un niveau qui est totalement différent. Et en tout cas, on a un PSG qui est notre grande écurie, la grande équipe dont on attend la confirmation au niveau européen, qui est un groupe difficile. Mais on l'a dit, sur les dernières saisons, ils n'ont pas performé. Et normalement, ces joueurs doivent être surmobilisés pour ces matchs-là, parce que quand on a déjà gagné tout sur la chaîne française, c'est bien beau de le refaire une fois avec un entraîneur, une fois avec un autre. Mais maintenant, c'est là où ça doit se passer. À domicile contre Naples, ils sont vraiment passés très proches de la correctionnelle. Et concernant les autres équipes, effectivement, moi, ce qui me déçoit et qui m'inquiète, c'est de voir que, par exemple, cette semaine, on a joué à chaque fois sur le papier des équipes plus faibles que nous, normalement. Tant la puissance financière de nos clubs, mais aussi sur un point de vue sportif, avec certains joueurs de grande qualité quand même qui peuvent être alignés, j'en sais pas, comme dans une équipe de Lyon, et où on a des largesses pour le niveau européen. Je pense notamment d'un point de vue défensif, c'était le cas de l'Olympique Lyonnais cette semaine, qui sont très inquiétantes et qui ne permettent pas de prendre les points nécessaires pour aller chercher une qualification. Après, au-delà de ce constat qui est très négatif pour nos clubs français cette semaine, tout est encore possible. C'est pas perdu pour Lyon et Paris non plus. Non, ça c'est sûr. Non, mais Rennes c'est pas perdu non plus. Et pour Rennes, mais ça va être compliqué. Si Rennes c'est le seul qui le seul club français qui passe, mais c'est dramatique. Moi, ce que j'aimerais une chose en fait, c'est que on remette peut-être un peu en cause cette mentalité, et j'aimerais que les clubs français se pensent de plus en plus à des coachs étrangers. On a vu que Jardim avait marché avec Monaco. Ils ont quasiment tous fait leur preuve. Que Jean-Michel Aulas dise Lucien Favre, on va faire venir, on pense à un technicien étranger. Et même Marseille. On est trop dans un conformisme français. Ouais. Dire on va aller chercher des mecs qu'on connaît. Alors, tac, c'est l'institution OL, on va le prendre. À Rennes, on fait confiance à un mec comme Sabri Lamouchi, qui fait pas un travail négligeable. Mais je sais pas, peut-être aller chercher ailleurs. Tu regardes quand Ranieri, justement, il est venu à Rennes, il a fait du bien. Le Portugais avant. T'as malheureusement la problématique Bielsa qui lui a foiré à Marseille. Non, il n'est pas foiré à Marseille. C'est différent. C'est aussi un jeu différent. Finalement, tout le monde s'en rappelle. Mais il a apporté. C'est celui qui a entraîné. Qui a fait briller Nantes juste avant qu'il parte. Peut-être que si, c'est juste les entraîneurs étrangers qui veulent pas venir en France, tout simplement. Mais c'est que le niveau moyen va stagner, plus les coachs étrangers. Lyon, qui a un potentiel pour moi qui est vraiment très intéressant. Est-ce que Genesio. Mais non, mais c'est Genesio. Est-ce qu'il a les épaules pas, il veut un mec à sa coupole qui peut écouter. Il veut pas être au-dessus de lui, en fait, c'est ça. Un Genesio, j'essaye de tenter Conte ou un truc. Depuis longtemps, ils auraient dû faire un étranger, c'était obligé. Lyon a joué contre Hoffenheim mardi dernier. L'entraîneur d'Offenheim a 31 ans, il est reconnu partout en Allemagne pour Nagelsmann. Bien sûr. Il a déjà signé à Leipzig. Avant qu'il signe à Leipzig, tu dois aller le chercher. Oui, bien sûr. Exactement. Que ce soit au mois de juin, au mois de septembre, au mois d'avril pour préparer la saison d'après, tu dois essayer. Une équipe comme l'OL, mais il a fait bien jouer, c'est sûr. Ah bah oui, vu les joueurs techniques. Les joueurs sont meilleurs que les joueurs d'Offenheim. Tactiquement, le mec, il façonne une équipe. Il y a des idées de jeu qui sont pas bonnes, quoi. ouais. Qui sont pas efficaces quoi. Il est innovateur. En tout cas, c'est vrai qu'on on tire souvent le signal d'alarme et il se passe pas grand chose. Moi c'est ça qui. C'est ouais. C'est... Je me dis on a l'impression des fois qu'on on reste dans nos habitudes. Et on voit que d'une année sur l'autre ça fonctionne pas. Une victoire en Coupe du Monde tu vois donc en plus tu vois c'est ouais, mais qui contraste mais c'est pas révélateur. Combien jouent après combien sont formés en Ligue 1 aussi. Pour moi malheureusement ça n'a pas beaucoup à voir au final. Oui mais je veux dire ça souffle de ça quoi. Moi je dirais plutôt qu'on se repose par exemple sur Marseille est allé en finale d'Europa League. Aussi ouais. Cette année ils vont pas passer les poules. C'est ça qui est dramatique. Cette année ils vont pas passer les poules d'ailleurs. En parlant de Marseille, est-ce que c'est pas un écran de fumée son parcours de l'année dernière? Bien sûr. Ils ont battu un peu. Ils font un gros match contre Leipzig et voilà. Ouais, encore, tu vas nous énerver notre Alex. Ils se font bouger en les deux seuls gros qui jouent, c'est Atletico et maintenant cette année Lazio. Il passe à la trappe complet. Ouais, voilà. C'est un peu cette année. Parce que... Ah, ok, ouais. Ouais, tu fais les. Finale, ouais. Et le. Ouais, vas-y. Non, tu disais, Romain, on reste sur nos acquis. On sait qu'on a des problèmes, mais on n'agit pas. Sauf que vous, voilà, imaginez, vous arrivez à la direction de l'UEFA ou quoi, ou même, je sais pas, de la LFP. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de bouger les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire confiance à l'étranger. Voilà, moi je te dis, va chercher des mecs novateurs. Tenter des risques. On est trop conformiste, trop conservateur en France. La preuve, le dirigeant de la LFP, c'est Thierry, un mec conservateur. Les dirigeants français sont comme ça. Les entraîneurs sont tous stéréotypés, de toute façon. Ils sont pas compétents, voilà. C'est défense et après on voit. Mais quand tu vois qui tu as à la tête de la. Comment ça s'appelle? L'UNICATEF? Non. C'est qui est la DTN, pardon. DTN ouais, la DTN c'est que des anciens entraîneurs de Ligue 1. T'avais Raymond Domenech. Mais c'est des mecs qui se repassent les faire postes avec ça, des relations depuis longtemps ouais, quand tu réchauffes c'est dans la formation ils donnent une feuille de route. Si t'en sors, si tu lui dis ah mais moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien jouer en 3-5-2, j'aimerais bien, si t'en sors de ça t'as pas ton diplôme. À un moment ben tu peux pas progresser. Ce que j'espère c'est que des nouveaux entraîneurs aussi qui vont arriver après, ou comme des anciens joueurs comme Henri ou quoi, auront des idées un peu novatrices, voilà. Qui seront plus ambitieuses. Henri qui est un attaquant qui a aimé le beau jeu surtout l'époque d'Arsenal, ça sera le cas. J'espère qu'il y aura le cas. Pour moi tu donnes un bon exemple parce que au-delà du fait ancien joueur, ça finalement peu importe, enfin on sait que ça a une importance, mais ce que je veux dire c'est que entraîneur français pourquoi pas, mais des entraîneurs français aussi qui soient allés voir les méthodes de l'étranger dans voilà ça. Mais et Thierry Henry un très bon exemple avec la Belgique ou même Patrick Vieira qui a roulé sa bosse à Manchester City ouais, qui entraîne les jeunes. Thierry Henry était adjoint en Belgique hein, c'était pas un oui, entraîneur oui mais c'est-à-dire il a travaillé et en plus du coup il a travaillé avec une équipe nationale, avec une équipe de Belgique qui jouait bien et avec un entraîneur, l'entraîneur en chef du coup qui est espagnol. Donc ouais. Il a déjà fait du bon boulot à Everton. Il a une vraie empreinte espagnole sur l'équipe de Belgique, ouais. On peut le reconnaître sur la possession et tout, c'est sur la projection. Il a bossé aussi avec Wenger un peu en rinant, il a pas fini un coup de main Il avait les jeunes. C'était pas le grand amour entre les deux. Bon, très bien, monsieur. C'est africain. Romain, peut-être. Je disais qu'on avait peut-être enchaîné sur notre deuxième question. On a fait le tour sur les clubs français. Romain, on a fait le tour et puis en tout cas, on s'est un petit peu énervé, les amis. C'était bon, on a marre quoi. C'est bien, c'est un débat un peu ridicule. On a un parisien, autant profiter. On va gagner une LDC là, ou quelque chose quoi. On ne gagnera pas quoi. Sous la dent quoi. Du coup, ça serait notre deuxième question du Grand Saint-Etienne. J'ai l'impression ne va pas forcément concerner. Pour le moment en tout cas nos clubs français, vous me le direz, c'est après donc cette phase aller, on a eu les trois premiers matchs de poule. Est-ce que pour vous un ou des favoris se dégagent pour remporter la plus prestigieuse? J'en vois un seul pour l'instant. Pour moi il y en a un, je ne sais pas si on pense au même, j'en vois un qui pour l'instant est impressionnant, qui va falloir bouger je pense sur ton match aller-retour, ça reste la Juve. D'accord. La Juve travaille très bien, c'est la plus complète. C'est l'exemplarité du club qui travaille très bien, qui a une gouvernance. Depuis 10 ans ils n'étaient pas à la même situation. Qui fait des coups malins, qui va chercher des membres qui sont là. Douglas Costa aussi, Kedira, Pjanic. Cri à 100 millions, c'est cadeau. Oui, c'est au final. Et puis il peut te faire gagner la LDC, lui. Je suis d'accord, et justement, au vu de ce que propose la Juve et tout, je me demande des fois pourquoi notre cher Gianluigi est allé rouler sa bosse à Paris. C'est une bonne question. Parce qu'en deuxième gardien, il va aller mieux. Parce que la Juve n'aurait-il pas la plus belle occasion d'aller chercher la Ligue des Champions depuis de nombreuses saisons? Ça serait dur qu'il la gagne au moment où il part, quand même. C'est sûr. Ça serait hyper beau pour Ronaldo. Ça serait mal. Pour Ronaldo, il aurait gagné avec trois clubs différents. Mais pour Gigi, ça serait quand même très dur. Sidor. C'est possible, comme c'est ça, l'équipe là, pour l'instant la plus complète. Et puis un banc, je sais pas si vous avez vu le banc c'est de la Juve, ah, c'est quand même très solide quoi. Tu te dis s'il y a des blessures ou de la fatigue, tu peux faire tourner. Ils sont titulaires dans les 20 clubs. Ah oui, dans beaucoup de gros clubs aussi. Ouais, et la Juve pour la saison justement a aussi quelque chose, moi je trouve, qui est intéressant pour rester à ce niveau d'exigence. C'est que justement, contrairement à notre Ligue 1 qui stagne, voire régresse, qui régresse cette saison et qui a eu tendance à stagner, la Serie A devient plus compétitive. Avec l'Inter qui progresse au niveau, l'Inter Milan qui est toujours solide. Perdu cette semaine contre le Barça, mais a de nouveau quelque chose à proposer au niveau européen. Les deux Roma qui vont revenir aussi à un bon niveau. Les deux Roma, Naples, qui a toujours du mal à franchir ce cap supplémentaire, ce palier, mais quand même qui est une équipe avec un fort potentiel. Juste le Grand donc, Milan. Donc voilà, oui, il manque le Grand Milan assez. Ça peut pousser dans 2-3 ans. Regarde, là, ils ont gagné hier, ils ont un match en retard, ils peuvent être quatrième. Faut voir, ouais. En tout cas, le fait est qu'on a une Serie A, j'allais dire l'IA, des formations. Ah ouais, c'est le dynamique un peu inverse. Finalement, plus envie, ouais. Mais qui est dans une dynamique tout à fait inverse et avec des anciens grands clubs européens qui reviennent en haut de l'affiche. Et pourtant, une Juve, effectivement, qui est souveraine tant en championnat que sur ce qu'elle a montré sur ses trois premiers matchs de poule de Ligue des Champions. Ouais, qui est une équipe, qui est une équipe remarquable. Même aller gagner à United, c'est pas quelque chose qui doit être banalisé. Non, puis en plus, ils le font assez facilement chaud. Ouais, ça pas été trop. Après, Manchester, en ce moment, c'est pas non plus. Bon, voilà, il y a la Juve. Après, je pense que moi, je m'en rends deuxième, je mettrais quand même le Barça. Ouais, vu qu'ils se remettent bien en championnat. Si t'as Messi qui revient bien, oui. Je trouve que vous oubliez facilement Liverpool, quand même. Qui pour Liverpool, l'instant, ouais, est en première ligne. J'avais cité après Barcelone. Liverpool. Puis surtout que dans le jeu aussi, et en quasiment au même niveau que l'an dernier, c'est aussi beau. Je pensais que ça allait être un peu. Et qu'il y a plus de turnover. Ils ont eu leur moment de gloire l'an dernier. Et en fait, ils arrivent à confirmer, même si Mo Salah n'est pas au niveau qu'il était l'an dernier. Ça équilibre l'équipe, je trouve. C'est-à-dire que bon, je peux en parler parce que je regarde tous les matchs. Oui. On a recruté déjà. Ouais, déjà Fabinho. On a recruté. Liverpool. Pardon, j'en étais sûr, j'allais faire la roulette. Liverpool a recruté au milieu surtout. C'était un poste. Petit de Leipzig aussi qui est pas mal. Voilà, Naby Keita, qui a du mal physiquement en début de saison. Mais en début de partie de saison, on a vu quelques matchs qu'il avait joué, il était très bon, très vite adapté. Fabinho, j'ai trop envie de parler, excusez-moi, ça m'a manqué. Fabinho, ça y est, il commence à jouer, mais c'est la méthode Klopp, ça. Il avait fait pareil avec Wijnaldum, avec Sadio Mané. Les mecs au début, ils sont pas prêts pour jouer. Ils passent leur temps à prendre sur le banc. Bizarrement, et puis rentrent dans l'équipe, voilà. Et puis Fabinho, ça y est, c'est parti. Il va jouer. Il va jouer. C'est peut-être 25-30 matchs de la saison. C'est bien pour le turnover. Liverpool est éliminé en Ligue Coupe de la Ligue, donc une compétition moins. Ils ont perdu, ouais. Avec un but magnifique d'Hazard. Ouais. La défense, elle a l'air toujours aussi solide. Virgil van Dijk, qui est le taulier. Je pense que c'est le meilleur défenseur d'Europe. Oui. Meilleur d'Angleterre, oui, je pense. Le meilleur d'Europe, je sais pas, possible. Avec Fredericton, niveau des relances, c'est un peu approximatif. Il y a un peu à travailler. Oui, mais j'avoue qu'il m'a impressionné. J'ai vu qu'il progressait l'an dernier. Même ce qu'il a fait sur Mbappé, l'intelligence de jeu qu'il a fait avec son équipe des Pays-Bas contre Mbappé, c'est. Non, ça peut devenir un très bon. Il y a pas un qui fait ça. Ils sont plus complets que même l'an dernier. Voilà, c'est pas le défenseur le plus cher de ça. Ouais. Ça, Liverpool, je pense, va progresser. Ouais. Après, il y aura City qui, je pense, à un moment va passer son cap. Évidemment, oui, c'est un verre. Ils vont pas faire comme le PSG. Ouais. Bon, eux, ils sont à l'an demi, mais bon, il y a un plafond de verre aussi pour City. Ils aimeraient au moins une finale pour le Bayern. Non. Non, le Bayern cette année, ouais, ça va être poussif aussi. Le Barça, j'y crois moins parce que la défense est assez faible. Ouais. Et tu sais que le Barça cette année, ils ont plus de bancs, je trouve, quand même. Moi, j'y crois. Ça me fait mal de le dire, mais je crois au Barça. Ouais, moi aussi, j'y crois. Arthur au milieu, c'est une super recrue. Ouais, et puis si tu vois en championnat, peut-être qu'ils vont peut-être avoir une bonne avance assez vite. Parce que t'as l'Atletico qui est. Ouais, l'Atletico, moi j'y crois. Ouais, mais ils ont quand même du mal, tu vois. Pour moi, j'y crois pas du tout. Le Real, ils y sont pas. J'y croyais, mais ils m'ont vraiment inquiété cette semaine. Ouais, le 4-0. Mais c'est après, ils peuvent. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris 4 à Dortmund. Mais une équipe qui est si solide normalement. Après, je les vois deux, Guillaume, je suis d'accord avec toi, mais je les vois quand même derrière le Barça, quand même, vraiment. Oui, surtout s'ils finissent deuxième, je dois se prendre un gros en 8ème. Mais voilà, après, tout dépend aussi du tirage au sort que t'as en 8ème ou en quart. Ouais, voilà. Si tu joues l'extérieur, match, voilà, on peut. Ah non, mais c'est sûr que pour le moment. Cette question, elle est. Surtout si par exemple, les mecs des équipes comme le Real terminent deuxième, quoi. Oui, cette question, je veux dire. Le Real, ils peuvent être malades en février, ils seront là. Oui, je pense aussi. Puis il peut y avoir peut-être beaucoup de choses, un peu de renfort en hiver. Mais oui, de toute façon, cette question, elle est un peu prématurée. Parce qu'on finit la phase aller. On sait déjà, ne serait-ce qu'il y a des équipes qui performent en phase de poule et qui, des fois, chutent derrière, ouais. Chutent assez, assez rapidement. Chute, Toronto, quoi. Par contre, merci. Effectivement, il y a des équipes qui sortent du lot et j'ai l'impression qu'on est tous d'accord sur celle-ci. Sur cela, ouais. La Juve, on a dit Liverpool. On a dit le Barça. Ouais, voilà. Et puis après, on trouble le fait, mais à voir dans les matchs à élimination directe, et parce qu'ils sont tellement forts pour le moment, cette équipe du Borussia Dortmund, qui est très efficace pour le moment, mais par exemple, tant en Bundesliga que sur la scène européenne. Ça calme un peu le jeu. Après, il faut compter les matchs. Hein. Plus City, avant Dortmund, j'en plus City. Et, ouais. Et puis, il y a des équipes, effectivement, qu'on ne cite pas, mais qui s'ils passent les poules, comme le Real, comme Manchester City, qui était un petit peu poussif au début, qu'il faudra aller chercher à partir des huitièmes ou quarts de finale, je pense, assurément. C'est une Ligue des Champions qui, depuis plusieurs saisons, propose un niveau tellement haut qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les... Arriver au niveau des quarts de mi-temps, ça commence à être très haussé. C'est très dur de pronostiquer. L'année dernière, ils passent très juste contre la Juve, comme le Tottenham aussi. Et leur première partie de saison, je me suis dit, jamais ils iront gagner la Ligue des Champions. Ouais, c'était... Ouais, au final, ils ont... T'inquiète pas, ça avait déjà montré les failles qu'on voit actuellement. C'est un trompe-l'œil. Il n'y a que le Real Madrid pour en trompe-l'œil aller chercher une Ligue des Champions. Et du coup, moi, j'avais... Et Paris, non. Pour clore ce débat, c'était ma question. Avec ses équipes. C'était ma question un peu provocatrice, les gars, qui était... Alors, on a cassé du sucre sur le dos notamment du Paris Saint-Germain lors de la première partie du débat, mais comme favori, donc vous les oubliez totalement. Pour vous, c'est mort. Le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. On n'est même pas sûr qu'ils vont se qualifier. Encore moins cette année. S'ils passent les poules, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la prospective, on est d'accord. S'ils passent les poules, après, je vois pas comment ils peuvent terminer premier, honnêtement. À moins d'une catastrophe à Liverpool, ils vont terminer second. Et ils peuvent se faire dégager dès les huitièmes. Donc, le truc, c'est qu'on les voyait pas à l'époque, même quand ils faisaient des poules assez bonnes, on les voyait pas non plus passer. Mais est-ce le que cap, des fois, c'est pas là, plus mal de se prendre des claques un peu au début, tu vois? Faut prévenir. Mieux vaut prévenir pour la confiance. Il y a un moment, il va quand même falloir sortir un match référence contre des gros. Hein. Sur les phases de retour, le Naples ou le Liverpool, faut qu'ils en mettent une belle, parce que sinon, je pense que pour la confiance ils vont pas se remettre dedans. Tu gagnes pas à Naples, à mon avis, c'est mort. Je pense que c'est bon. Ils ont de la chance que Naples ait fait match nul contre Belgrade. Sinon, on en parle déjà plus. Donc, non, Paris. Pour l'instant, il n'y a pas les. Après, voilà, s'il passe, si par miracle, il passe, parce que pour moi, ce serait un miracle. Il y a un mercato d'hiver. Avec un changement de règlement qui permet aux joueurs qui ont déjà joué avec des champions de la jouer avec leur nouveau club. Un peu bizarre, ça a changé la donne. Et tu fais bien de le dire, parce que ça, autant le Real Madrid doit recruter un attaquant, autant c'est quand ils veulent qu'ils recrutent un numéro 6 au Paris Saint-Germain. C'est ça. Ouais. Et ça peut le. Sur le marché, il n'y en a pas des masses. Oui, je sais qu'il y en a. Je sais que la tâche n'est pas facile. Mais le Alan déjà de Naples. Mais on voit que leur difficulté, elle est là. Non, principale en tout cas, de ces dernières saisons. Bon, après, c'est de la science-fiction. Ouais, on peut mais bon. Déjà, moi, je les vois même pas passer le. Il faut qu'ils gagnent à Naples. Et ça va pas être facile. Deux matchs. Il faut aller jouer à Belgrade. Naples a fait match nul à Belgrade. Ouais, donc on sait jamais. En plus, ils vont jouer en hiver là-bas. Et après, tu reçois Liverpool. Tu reçois Liverpool, je crois que c'est la cinquième journée. Non, cinquième. Cinquième, donc tu peux déjà être droit à la cinquième. Encore moins bon signe pour Paris, du coup, parce que Liverpool va venir pour faire un résultat. Voilà, pour être premier. Ouais, ça aurait été la sixième, ça aurait été autre chose. Voilà, c'est ça. Donc ouais, pas facile. Pas forcément optimiste, quoi. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Romain, tu confirmes? Je confirme. Pour ce débat, je pense que c'est pas mal. Ouais. On va pouvoir passer à la deuxième pause musicale. Que Tim, je te laisse annoncer. Écoute, on reste au Brésil, hein, puisque c'est toujours l'actualité. On est bien, il fait chaud là-bas. Et que les joueurs brésiliens marchent pas mal. Copacabana. J'ai choisi musique de Jorge Benjol, qui est un compositeur brésilien que les puristes connaissent, qui s'appelle Maravilha. À tout de suite sur Sport & Chill. Tudo bem. Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente de Deus. Filho Maravilha, novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol! Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Gol! Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, dá mais um pra gente ver. Filho maravilha. De retour sur Sport and Chill, ambiance un petit peu brésilienne grâce à Tim, merci Tim, qui nous fait réchauffer un peu avec cette météo qui est guère intéressante ici à Montpellier. Et on va passer bientôt à l'heure du duel que Romain, je vais te laisser présenter. Donc le duel du jour qui nous permettra de parler Formule 1 justement. J'avais dit qu'on se bridait un petit peu sur la Formule 1 et ça va être le moment de gloire de l'un de nos deux Guillaume. Duel entre Guillaume sur une question Formule 1. Qui est challenger, qui est champion pour l'instant. Qui est... je sais pas. Qui est challenger, vu que je reviens, j'aime bien sur Ouais, on va dire que Guy Bialès est donc notre challenger, qui revient en province. Et Guillaume, notre chroniqueur régulier maintenant, notamment sur le football aujourd'hui. Le Firmino de l'émission. Le Firmino de l'émission. C'est beau, j'ai pas son salaire, mais. Classe. Bientôt, et donc le favori est annoncé, on verra ce que ça donne. Donc l'un défendra le oui, l'autre le non. Et donc la question du jour sur la Formule 1, pour rappel, donc Lewis Hamilton, on l'a dit, a remporté son 5e titre de champion du monde, rejoignant un certain Juan Manuel Fangio au palmarès de la F1. Ça, c'est beau, pas déjà. Des moindres. Donc à 2 titres du record de Michael Schumacher. Et donc pour vous, Lewis Hamilton fait-il d'ores et déjà partie du GOTA de l'histoire de la Formule 1? Et pour lancer ça, du jour. On a notre jingle duel que va nous lancer Tom. On a un jingle duel qui est arrivé il n'y a pas longtemps parce qu'on a lancé du coup cette nouvelle chronique. Jingle duel. Donc messieurs, classique. Messieurs, pour rappel, vous avez 1 minute chacun pour débattre de votre sujet. Sachant que si vous êtes malin, si vous gardez quelques secondes sur la fin, vous pourrez répondre à la réponse de l'autre. Donc ça, c'est à vous. Ah, c'est un bon calcul, à vous ça. De gérer ça. C'est 1 minute 30. Je garde 1 minute pour répondre. J'allais dire c'est Guillaume qui commence. Mais lol, c'est un peu trop simple. Confusion. Bon, on va laisser l'honneur à notre Parisien. Notre exilé parisien. C'est le oui qui commence. C'est Guillaume qui commence. Vas-y Guillaume. Tu as 1 minute. Alors oui, tout simplement parce que tout simplement les chiffres déjà. Il a rejoint une autre légende de ce sport qui est Juan Manuel Fangio à 5 titres de champion du monde. 5 titres de champion du monde, c'est pas rien. Alors oui, je devance déjà Guillaume qui va me parler d'une voiture très compétitive, c'est vrai. Il a la meilleure voiture, faut le dire, depuis pas mal quelques années. Même si la Ferrari, faut le dire aussi, a une voiture qui est très très compétitive et même de mieux en mieux. Mais je trouve qu'en termes de pilotage, même si je pense que ce n'est pas le meilleur actuellement, je pense que c'était Alonso, mais qui n'avait pas la bonne voiture. Je pense que dans ce duel-là, mentalement, il a été plus solide que Vettel. Sur les dernières années aussi, il a été très solide. Et la voiture, la Mercedes a bien progressé. Et même avant que la Mercedes fasse ses preuves, je trouve qu'il avait déjà eu des très bonnes performances. et je pense que ça restera dans tous les cas un grand champion de la F1. Même si forcément il a eu des bonnes voitures, mais il faut savoir la conduire, la très bonne voiture aussi. Une minute pile poil, tu n'auras pas de temps de réponse ensuite. Fini. La parole est au nom avec l'autre Guillaume. Grand pilote, évidemment, on n'est pas champion du monde 5 fois pour rien. Cependant, il n'est pour moi pas l'égal de celui qui vient d'égaler Juan Manuel Fangio. Il y a un problème à ça, c'est que maintenant la Formule 1 c'est trop électronique. C'est plus à l'instinct, c'est plus aussi compétitif qu'avant. Il y a plus de dépassement. Enfin, on part premier, on arrive premier. C'est moins la F1 de ces illustres aînés que sont Prost, Fangio, Mansell, tout ça. Ensuite, il y a un côté un peu gentleman, tu vois, enfin, pas gentleman, mais le fait que voilà, maintenant il y a trop de consignes d'équipe. Quand je vois Bottas le laisser passer devant, bon, Schumacher l'a fait aussi, mais je trouve que c'est pas l'esprit qui fait grandir un homme. Il sera peut-être dans le Gotha s'il est 8 fois champion du monde, mais pas en dépassant Michael Schumacher, sans dépasser Michael Schumacher. Et voilà, il y a un côté... alors ok, c'est un petit bad boy, mais... Top, mon petit Guillaume. Ah, okay. Tu as 1 minute 5, on t'a déjà laissé 5 secondes. Gentil, c'est gentil. 5 secondes, alors. Juste pour lui poser une question. Ouais, mais du coup, il va falloir qu'il réponde derrière. Non, juste une question ouverte. Vas-y. Est-ce que lui, il y peut quelque chose si le matériel a changé? Non. Voilà, c'était le nom de la fin. Il peut rien, le pauvre. Les jurés... On est 3, Team Romain et moi. Moi, je laisserais bien démarrer Team. Je laisserais bien démarrer Team. Okay. Va-t-il s'opposer à son alcoolite habituel, Guillaume Bialès, du coup? Que ce soit pas du copinage, hein, les amis. Non, c'est notre objectif. Après, même si moi, j'avoue que même avant le duel, j'avais déjà un avis tranché. La question, c'est pas est-ce que Lewis Hamilton est le plus grand champion du monde de l'histoire. La question, c'est est-ce qu'il en fait partie des meilleurs. Je vois pas, enfin, incontestablement, oui. Les chiffres sont quand même là pour l'attester. Alors, je suis d'accord, il a une très bonne voiture. Après, Vettel avait aussi une très bonne voiture. Pour autant, il le devance sur pas mal de points, notamment le record du nombre de pole positions qui veut dire beaucoup, je trouve. Parce que ça veut dire que bon, même s'il a la meilleure voiture, ça veut dire qu'il sait la piloter et la mener du début à la fin sur la ligne d'arrivée. C'est 81 pole positions devant un mec comme Schumi. 71 victoires, juste deuxième derrière Schumi qui est à 91, un record qu'il peut potentiellement aller chercher. Oui, sûrement. 5 titres de champion du monde, il y a qu'en 2016 où il est dépassé par Rosberg, sinon c'est une hégémonie sur les 5 dernières années, ce qui est quand même pas rien. Surtout avec il a eu des concurrents quand même, la Ferrari qui est quand même très compétente, même la Red Bull c'est très propre aussi. Mais même en termes de pilotage pur, c'est un mec qui sent la course vraiment. Après, là où je suis d'accord, c'est que oui, c'est peut-être un peu aseptisé maintenant la F1, il y a moins de dépassements, c'est un peu foufou. Mais tout de même, il y a une rigueur et une constance dans le pilotage qui fait que oui, c'est l'un des meilleurs. Alors moi je suis pas un féru ni un grand amateur de F1, mais grave. Je suis plutôt d'accord avec Tim sur ce que tu dis, ce que tu défends. Quand on voit qu'il est quand même 5 fois champion du monde, je vois pas comment on peut l'enlever de la liste des plus grands champions de ce sport. Donc pour moi c'est un oui, il fait partie des plus grands champions, mais rien que par les résultats, je veux dire, on ne peut pas contredire ça. Voilà. Ouais, c'est le papier quoi. Les chiffres. J'entends vos arguments, et c'est vrai que oui, c'est indéniable. Ouais, mais en fait c'est assez compliqué parce que moi j'ai trouvé la question, en tout cas c'est Guillaume qui nous l'avait proposée, sacrément intéressante parce que alors il a pris un risque parce qu'effectivement volontairement provocateur de dire que quelqu'un comme Lewis Hamilton ne fait pas partie du quota des pilotes alors qu'il vient de gagner un 5e titre de champion du monde. Moi, effectivement, je pense que c'est assez logique de donner la réponse à l'autre Guillaume, à Guillaume Bialès ce soir, parce que ça reste indéniablement compliqué de le retirer de cette liste. Mais ce que je retiens par contre, pour dire un petit mot sur ce qu'a dit Guillaume Laval, du coup, ici présent, c'est compliqué, c'est Guillaume. En aval, du coup. En aval, t'as raison. C'est juste un petit détail, c'est sur cette histoire justement de l'évolution de la discipline. Lewis Hamilton n'y peut rien, effectivement. Mais c'est indéniable et du coup, il m'a toujours un petit peu dérangé, tout comme les titres consécutifs de Sebastian Vettel. Effectivement, l'écart si important des fois d'un point de vue mécanique en termes de voiture fait passer un petit peu au second plan le pilotage. Et banalise la performance aussi. Oui. Et du coup, banalise un petit peu la performance et fait que Lewis Hamilton, j'ai eu du mal pendant longtemps à le voir vraiment comme un grand champion. Mais après 5 titres, après l'avoir fait dans deux écuries différentes, McLaren prouvé, et Mercedes, même s'il avait la plus grande voiture, et au vu du nombre de victoires et de pole position comme multi team, le plus grand nom, même loin d'être un des plus grands pour moi pour le moment. Mais sa carrière n'est pas finie. Mais l'un de cette catégorie-là, d'accord, indéniablement, bon. Lewis Hamilton fait et partie de cette catégorie. Ça a toujours été. Il y a toujours eu des hégémonies de Vettel, par exemple, qui à l'époque Red Bull avait une meilleure voiture pour possible. Pour moi, Vettel n'est pas dans le Yokota des. Ok, même, et même Schumacher à l'époque, la Ferrari était au-dessus de la Mercedes, même si la Mercedes progressait aussi. Donc, dans toute période, malheureusement, la voiture a toujours eu une énorme importance. Un impact, forcément, c'est un sport mécanique. Après, mentalement, il faut avoir la capacité de montrer sur la durée. Bon, a priori, victoire par KO de Guillaume Bialès. J'ai essayé. Non, mais je le comprends. J'ai déjà de base une petite inimitié pour Lewis Hamilton. L'exilé parisien a eu raison. Messieurs, on est maintenant un poil en retard. On va passer tout de suite au quiz et au jingle quiz. Si ça passe. Sport and chill, le quiz. Et je crois qu'on a un jeune fan qui est avec nous en ligne, un jeune passionné. Alors, comment est-ce qu'il entend, garçon ? C'est Kevin qui est là ? Effectivement, moi. Bon, bonsoir tout le monde. Les enfants sont formidables. Comment ça va, Kevin ? Bonsoir tout le monde, ça va. Bon, j'ai écouté un petit peu votre duel victoire écrasante de Guillaume Bialès en même temps venant d'un pilote comme lui. Bon, ça m'étonne pas. Avec champion du créneau, ouais. à la Wilder un peu. Bon bah écoute, merci Kevin. Je savais pas que t'avais une Mercedes. Hein. Merci Kevin d'être avec nous. On rappelle que c'est juste, le dire, juste, de Fangio à l'époque aussi était déjà sur Mercedes, donc les voitures... Ça existait déjà, les différences de niveau à l'époque. Oui. Pas faux, Kevin, pas faux. Ça a toujours existé. Yes. Bon, écoutez, messieurs, on va passer maintenant au quiz. L'heure de ce que tout le monde attendait un peu impatiemment, notamment notre Kevin qui a, on le rappelle, créé, il fait partie des fondateurs de Sport & Chill. Et ça fait plaisir de l'avoir avec premier nous animateur. Aujourd'hui. Premier animateur. Tiens, on n'avait pas joué Wikipédia. Donc, première question, messieurs, et un tour de table. Je vais te donner l'honneur, d'ailleurs, mon petit Kevin. Comme vous savez, un Français est passé quatrième au classement des meilleurs buteurs de Ligue des Champions dans toute leur carrière. Vous allez me donner le top 10 de ceux qui sont là. L'enfoiré. Voilà. Et meilleur donc, du coup, passeur. Non, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur. Ah, va faire une cool. Et Michel aussi s'est joint à nous. Et du coup, je vais commencer par toi, Kevin. Alors, c'est moi qui commence. Je vais dire Raoul. Ouais, c'est bon. Ah mais attends, tu veux le top 10 ou le top 10 des buteurs français ? Non, top 10 des buteurs en général. Ça va alors. Okay, top 10 des buteurs français, ça risque d'être un peu compliqué. Guillaume Laval, à ton tour. Lionel Messi. Oui, Lionel Messi évidemment, avec 100 buts. Raoul avec 71 buts. Michel, à ton tour. Cristiano Ronaldo, premier avec 120 buts. Bon, voilà, pour donner un peu une ordre d'idée, c'est Ronaldo, Messi et les autres. Voilà, on peut dire clairement ça. Ruud van Nistelrooy. Oui, tout à fait. Ruud van Nistelrooy, 5e avec 56 buts. Guillaume. Il m'a chopé celui que je voulais. J'adore ce jeu. Ne les enlevez pas. C'est tout pas ça. Bon signe. Je vais tenter. Je vais donner un indice tout à l'heure. J'ai pas dit le nom, mais je donne un indice. J'ai pas entendu ton indice. Ouais, redis pas les indices par contre. Hein. Il fallait être vigilant, mon petit Guillaume. Je vais tenter. Si je me loupe, je suis éliminé. Ouais, d'accord. C'est ça, tout à fait. Il tente pas grand chose pour le moment. Ouais, c'est ça le problème. On sait pas si il tente grand chose. Il a du mal à se remettre de sa victoire sur le duel. J'ai tenté Shevchenko, mais je suis pas du tout convaincu. Foiré. Et non, c'est... pas de Shevchenko. C'est parce que j'ai fait le tir en plus. Si, pardon. Bien sûr. C'était une feinte. Ascenseur émotionnel. Il est pas loin du top 5. Ils ne sont pas 11, ils sont pas 10, mais ils sont 11. Parce qu'il y a 2 à 7ème place, dont Andrei Shevchenko avec 48 buts. Joli, mon salaud. Donc vous avez fait le tour, vous avez dit exactement tous ceux que j'avais en tête. Bah, désolé. Voilà. Et du coup, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ne regardez pas mes fiches, messieurs. Ah non, t'inquiète pas. Romain, c'est ton tour. Sans aucune certitude, j'allais dire. Peut-être pas loin du top 10, l'autre Ronaldo, mais vraiment, j'en sais rien. J'avais tous les autres. Non, tu es loin, tu es éliminé. Je voulais dire Van Nistelrooy. Romain, éliminé. Désolé. Kevin, c'est ton tour. Pippo Inzaghi. Eh oui. Filippo Inzaghi, 9ème de ce classement avec 46 buts. Je pensais qu'il était juste après. Il a mis le canal à Lyon, celui-là. Bien vu, Kevin. Bien vu. C'est mal, c'est là. Guillaume Laval, Karim Benzema. Ah l'enfoiré. Karim Benzema, bien sûr, c'est lui dont je parlais tout à l'heure. Ah mais pourquoi tu l'avais déjà cité donc voilà, 4ème avec 57 buts. Suis-je bête? J'ai dit un Français, un Tekken top 10. Je n'ai pas dit quel Français. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, j'en ai peut-être un. C'était facile ça. Autant pour moi. C'était facile. J'ai raté le j'étais cadeau. D'ailleurs étonné de que vous l'ayez allez pas vite, faut que ça joue vite là. Allez, ouais, vas-y Michel, parce qu'il réfléchit. Ils vont piquer mon joueur. Michel. Non, Michel. T'en as pas? Tim. Bon, Michel éliminé. 5, 4. Di Stefano. Du Stefano, mais pas du tout, enfin mon ah, la Ligue des Champions de la génération. Ouais, je alors pense... j'y étais pas. Non, non, on n'y est pas avec, avec Di Stefano. Team éliminé, Guillaume. Je pense en avoir un, je suis quand même pas serein. Te plaît. Loïs Diony. Non. Samuel Eto'o, je voulais dire. Samuel Eto'o, non, il fait pas partie du top 10. Vous nous avez... Non, donc il ne reste plus que Romain et Guillaume. Et non, mais je suis plus là, moi. C'est non, éliminé, non, c'est moi, mais... moi, je suis pas. Il ne reste que Kevin et Guillaume. Il ne reste que Kevin et Guillaume, pardon. Kevin, à ton tour. Zlatan Ibrahimovic. Ouais, bravo, t'as trouvé ah bon le 7ème qui était donc à égalité avec Shevchenko avec 48 buts. Je savais pas. Il nous en reste 2. Bah, je vais tenter un Ronaldinho. Non, pas de Ronaldinho, Guillaume. C'est Kevin qui s'impose pour cette première question. Kevin, quand avec tu vas un les dire, point, on va faire un bon retour. Exactement, bon, je pense que ça va se passer comme ça. Et les autres buteurs sont Thierry Henry. Avec 50 buts. Suis-je bête? J'y avais pensé. Thierry Henry avec 50 buts. On a aussi Robert Lewandowski qui clôt la marche avec 45 buts. Ça me surprend pas plus. Voilà. Donc voilà pour cette première question. Question numéro 2, rapidité. Question ski. Combien de... Pardon. Question ski. Combien de victoires dans sa carrière pour Tessa Worley en 13. Ski alpin? Voilà, Guillaume Laval, merci. Deuxième, premier point pour merci, Guillaume. Merci, au revoir. Mon team qui n'a pas j'ai le décalage par téléphone. Ouais, bien sûr, tu l'avais, ouais. Évidemment. Et aucun mérite, hein, j'ai écouté les infos. J'ai pas bossé. Le premier de la classe, t'es. Question numéro 3, tour de table. Mbappé a inscrit son 10ème but de la saison. Toutes les combien de minutes l'ancien monégasque marque-t-il un but en Ligue 1? En moyenne, ouais. Tour de table, et je vais commencer par Romain cette fois-ci. En Ligue 1. En Ligue 1, on est d'accord. Moi, je dirais toutes les 81. 81 pour Romain. Guillaume, à ton tour. Bialès. Mbappé, okay, est-ce que son 10ème but de la saison? Toutes les... Allez, pas passe grand. Rapidement, s'il te plaît. 75. Ah, mais 75 pour Guillaume. À moi. Tim, à toi. Toutes les 52 minutes. Toutes les 52 minutes pour Tim. Michel. 63. Près du, plus près du micro, si tu peux. 63, tu dis, toi? Ouais, 63, ouais. Guillaume Laval. 56. 56 pour Guillaume. C'est et Kéké. Et moi, je dirais 82. 82. Okay, et bien, il y en a un qui a le bon score. Et c'est moi. Poil, c'est Tim. Bravo, 52 buts. Oui. Tu l'as vu ou... 52 minutes, donc ouais, un but et 52 minutes. Oui, il y a eu que 11 matchs et il a été absent sur plusieurs et il est rentré c'est ça, en le truc. Mais son quadruplé contre l'OL. Et oui. Ah, ça fait augmenter la moyenne. J'y ai pensé après. Ouais. Ah oui, bien vu, ouais. Bien vu. Il est juste devant. Mais Tim a toujours été très bon en maths. Hein. Devant, tu me connais, hein, je suis un matheux moi. Devant l'attaquant nantais. Calcule Salah. Toujours tout. Hein. Voilà. Salah qui a que 82 minutes ou 86 minutes, je crois, à peu près. C'est fou ça. Et Neymar et. En troisième, je crois, il y a Loris Diony, il me semble. Troisième. Je vous trouve assez vache avec Loris Diony quand même. Hein. Ouais, on a le mérite, il le mérite. À nouveau, tour de table. Depuis combien de matchs le PSG est-il invaincu face à l'OM? C'est Guillaume Bialès qui commence. Depuis combien de temps? Donc, tour le table. Depuis combien de matchs le PSG est-il invaincu face à l'OM? Ouais, en comptant les coupes nationales ou pas? Je sais pas, mon petit. Écoute, moi j'ai un. Il pose des questions, il est pas précis. Carrément, il pose une colle, ce salaud. Non, depuis combien de matchs le PSG est-il invaincu face à l'OM en toute compétition confondue? D'accord, ok. Voilà. Donc je parle dire, combien de matchs? Je parle pas d'années, je parle je pense de matchs. Je avoir un gros chiffre, mais ça va pas être si loin. Un gros chiffre, là. Donc Guillaume Bialès, tu commences rapidement, s'il te plaît. J'ai un chiffre satanique, là. La centaine? T'as mis quelque chose? Non, je vais dire, allez, j'ai peur que ça soit trop. Désolé, mon kéké. Je vais dire 30. Vas-y, vas-y. 30. Ouh là là, malheureux. 30 pour Guillaume. Kevin, allez, tu fais le malin. Dis-moi... Après, tu me diras, lui, il a... on l'a pas avec nous, donc on sait pas s'il vérifie sur Internet. Non, c'est ça, non, non, non, pas, on le sait. Attends, tu, minutes. Tu nous certifies que tu ne triches pas, contre nous. Je ne triche pas. Non, je dis 17, ouais. 17 pour... Je te parle, moi aussi. Pour Kevin, je voulais Tim... Dire, je voulais dire 18, moi. 18 pour Tim. Ouais. Michel. 19. 19. Guillaume. 18. 18. Moi je disais 18. Eh bien, Romain, Guillaume et Tim, vous avez la bonne réponse, c'est 18. Ah, ouais, mais 18. Faut venir bouger en ce moment. Je suis pas si loin. Hein. Dernière... J'ai vu la stat avant le match en fait. Dernière victoire d'Didier Deschamps. Salaud. Ouais, le problème c'est qu'en maths, mon kéké, hein, c'est comme en défense à l'OM. Hein. Ouais. Qui a dit ? Ça va être. On passe à question numéro 5, messieurs, ça va être assez court. Qui a dit ? Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme Cristiano Ronaldo. Voilà, merci Guillaume Laval. Les 4 ou 5 premières années, j'avais la sensation d'être Cristiano Ronaldo, moins après. Merci Guillaume. Petite pastèque, quoi. Et Guillaume qui a. J'ai failli le dire, dis-toi. Fils de paix. Au cas où s'il a pas payé ses fiches de paix. Ouais, super. Allez, on enchaîne. Ça mérite moins ça, peut-être, non ? C'est la ligne téléphonique. C'est la ligne téléphonique qui. Question numéro 6. J'ai trouvé la question un peu piégeuse. Voilà, je me suis fait un petit kiff, mais. Je sens que ça va être pas si difficile que ça, vous allez tout ça le savoir. Question numéro 6, qui est, rapidité, hein, qui est le dernier vainqueur de Paris-Bercy ? Jack Sock. Jack Sock. Ah. Kevin Sorlon. Ah, c'est Tim qui a le point, Jack Sock. Contre Krajinovic, je peux dire. Grosse finale. Je pensais que ça allait faire douter beaucoup de monde, pas du tout. Un bon tennis, 0-25 quand même, j'avais le finaliste et qui est encore plus improbable. Krajinovic. Krajinovic, qui a perdu aujourd'hui. Il a perdu sa carrière, lui. Question numéro 7. Je vous rappelle, j'ai 11 questions. Donc, question numéro 7. Donc, qui suis-je ? Je suis né. Excellent, super, merci. Je suis né le 20 février 1964 à Nemours. J'ai commencé le foot avec l'équipe de Corbeil, où j'y ai joué jusqu'en cadet, avant de partir à Viry-Châtillon. Je débute ma carrière pro avec Lille, puis Caen, puis Martigues. Non, 1964, Tristan Galtier. Oh putain, j'avais oublié. À cause de blessures à répétition, notamment au niveau du dos et du genou. Non. Messieurs, on va dire que dès que vous dites une réponse, vous êtes éliminés. Je mets un terme. Non, pour l'instant, non. À partir de maintenant. C'est lundi. Je mets un terme à ma carrière à seulement 28 ans. J'obtiens un DUG et une licence en STAPS à Orsay. Des brevets d'état premier et second degré d'entraîneur de football sont certificats pour diriger un centre de formation de football. Der Zakarian ? Non. Romain, tu es éliminé. Je commence par l'AS Corbeil-Essonne de 95 à 98, Saint-Té en 2001, puis ensuite Dijon, Le Mans et surtout Lille. Rudy Garcia. Ah, Kevin, bien dommage, tu t'es fait dévancer par Guillaume Laval au dernier moment. Et encore une fois, la ligne téléphonique. Le décalage. Non, je suis à Reims. Imagine quand je vais être à Dunkerque, ça va être bien. À 21h30 la réponse. Donc surtout Lille de 2008 à 2013, avec qui je deviens champion de France. Je m'exile en Italie pendant 3 ans à l'AS Roma avant de retourner en France en 2016 pour entraîner l'OM. Je suis Rudy Garcia. Et pour l'instant, je chiale toujours sur l'arbitrage. Je suis Rudy Garcia. Un complot contre Marseille. Je suis Rudy Garcia. Au niveau des points, s'il vous plaît, messieurs, c'est Guillaume pour l'instant qui s'échappe en tête. Michel, tu n'es pas en grande forme. Guillaume Bialès, tu n'es pas en grande forme non plus. Ouais, j'ai gagné le KO, moi, c'est bon. Je suis là, moi. Tim, t'es pas mal. T'es dans les clous avec 3 points. Romain, 1 point. Kevin, 1 point. Je suis premier. Pour l'instant, Tim, t'es premier. C'est déjà beau. C'est à noter d'ailleurs, c'est très rare. Je suis vilain, pardon. Messieurs, donc malheureusement nous sommes 6 sur ce débat. Je pensais qu'on allait être 5, finalement on est 6. Du coup, je vais vous demander quel joueur compose le premier 5, donc l'un après l'autre. Hein. Quel joueur compose le premier 5 issu des votes pour les All NBA Teams révélés jeudi ? Pardon ? Le 5 choisi par les All NBA Teams, j'ai vu ça, voilà, qui était révélé jeudi. Dans toute l'histoire ou que sur cette saison ? Non, que sur cette saison. D'accord. Voilà. Enfin, j'ai dit ça parce que je trouve qu'il y a un petit piège. Et je veux laisser Michel commencer. Est-ce que vous avez compris la question ou pas ? Non. Mais attends, ce que je comprends, c'est basé sur cette saison ? Oui, sur cette saison. Sur les, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, tout à fait. Ah, okay. Sur la saison, tu veux commencer, Mitch ? Stephen Curry. Il n'y a pas Stephen Curry dans ce premier 5. Vas-y, je vais tenter un truc. Antetokounmpo. Ouais. Non. Non ? Ah d'accord, les mecs qui arrivent, ok. Ouais, il fait une grosse début de saison. Alors peut-être bizarre. Que je me suis trompé, c'est peut-être sur la saison, moi qui me suis trompé. Mais je crois que c'est sur le début de saison pour l'instant. Guillaume, donc pour l'instant, Michel et Tim, vous êtes à l'ouest. Vous êtes alors là, j'aimerais y avoir l'équipe parce qu'on est à l'ouest. Pour la NBA, ouais. C'est bien. Ouais. Je vais t'en citer un, s'il y est pas, c'est pas normal. Bon, c'est pas moi. Enfin, les gars, vous avez quand même oublié. Enfin, bref. Guillaume ? Oui, LeBron, d'accord. Harden ? Ouais, Harden, ok. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Ouais, c'est la dernière. LeBron James. Ouais, mais alors pourquoi Stephen Curry, il y est pas ? LeBron James ? Ouais. Guillaume, si c'est sur cette saison. Attends, j'ai oublié Kevin. Ça roule. Kevin, qu'est-ce que tu me dis ? J'ai pas compris. Léonard ? Qui ça ? Anthony Davis. Léonard ? Ouais, normalement. Non, oui. Pas Kawhi Leonard. Non. Si c'est l'année dernière, encore moins. Non. Ouais, trop blessé. Guillaume. Donovan Mitchell. Non plus. Non. Ça aurait pu. Michel, t'es éliminé. Voilà. En fait, y a tout le monde qui est éliminé là. Ouais. Non, non, moi non. Bah, il reste Guillaume. Bah, il a gagné. Pas moi non plus. Et pas moi non plus. Il reste Guillaume et Romain, c'est ça. Ouais. À moi. Paulin Baduf, peut-être. Dommage, j'en aurais pu. Ça va lui plaire, ça. Il mérite, hein. Guillaume. Ah, bah, Westbrook. Non. D'accord, il fait le triple double, mais il est pas dans le jeu. Kevin Durant est dedans. Ouais. Mais du coup, là, on est. Romain. Ouais. Tu as gagné, Romain. Il en reste deux. Il y a. Ouais, moi, je pensais à lui depuis le départ. Est-ce qu'il y en a que d'autres idées? Je pensais à Anthony Davis. Moi. Anthony Davis. Et Anthony Davis. Et DeMar DeRozan. Et DeMar DeRozan. Ouais. Non. Et pour moi, c'est là la surprise, c'est là le piège. C'est Damian Lillard qui complète. Ah, si, ça pourrait. Ouais, ça peut. Qui d'ailleurs ça fait un bon début de saison aussi, pour. Ouais. Voilà. Excusez-moi, c'est peut-être aussi mes questions qui ont été un peu floues. Donc, celle-là, je n'ai pas encore compris. Je cherche toujours. Il n'y a pas Curry dans le 5, il faut le savoir. Il y a Durant aussi. Donc je rappelle, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Damien Lillard et Kevin Durant. C'est l'année dernière. Voilà. Mais qui n'est pas Westbrook, c'est complètement c'est bizarre. Question numéro 9, messieurs, en rapidité, on est dans le tennis. Qui est le français à avoir amassé le plus de gains cette saison? Question rapidité, ouais. Rapidité, oui. Qui est... Moi, je pense à Pouille aussi. Non, pas de Pouille. Gasquet. Pas de Gasquet, pas de Benoît Paire. Mon fils. Pas de mon fils. Tonga. Simon. Pas de. Nicolas Mahut. Non plus. Pas Simon. Pierre Gerbert. Oui, Pierre Gerbert. Kenny de Schepper. C'est Pierre Gerbert qui a gagné, qui a eu le plus de gains, notamment grâce à sa. Les doubles. À son double, voilà. Ah oui, moi, j'étais sur les deux joueurs de double. Alors, est-ce que vous sauriez me dire le nombre de gains qu'il a gagné? Bah, t'as résumé le. Ouais. Le tennis français actuel. Ouais. Exactement. Question, ouais. Je sais pas, 1,3 million. 1,3 million, c'est voilà. Oh, t'as regardé ma feuille, quoi, c'est un truc de fou. Non, 1,3 million pour Pierre Gerbert, donc c'est un peu une surprise. Hein. Il faut savoir que c'est au-delà des top 30. Ouais, top 30. Mais en même temps, t'as plein français dans le top 30. Et donc, le joueur qui a le plus amassé de gains cette saison, c'est Novak Djokovic, évidemment, avec 10 millions d'euros. Mérité. Du coup, c'est Guillaume Laval. Sachant qu'il vit à Monaco, pas de problème pour ses impôts. Hein. C'est bon, qui Gerbert. C'est pas très net tout ça. On va revenir. Non, qui c'est qui m'a donné Herbert? C'est pas moi. Oui, c'est Romain. Oui, c'est moi. Okay. Moi j'ai juste dit le montant. Donc c'est Romain. Qu'on m'oublie pas. Romain, tu reviens dans la course avec 3 points. Question numéro 10. Combien de clean sheets pour le MHSC depuis le début de la saison? Waouh, 6. Rapidité. Qui a dit 6? Moi. Guillaume. Joli. Voilà. Rapide. J'ai entendu. Efficace. Je sais pas où, mais j'ai entendu. Joli. Grâce. Kevin, t'es toujours bien avec joué, nous? Bien joué, ouais. Non, mais là, je suis resté bouche bée, là. C'est le décalage horaire aussi, ouais. Apollo 13, voilà, en liaison. Le jet lag. Allo, Houston? Pauvre mec. Le PSG a égalisé un record avec 11 victoires d'affilée dans son championnat. Il y a une équipe européenne Tottenham. Qui a fait. Tottenham. Oh, je l'ai dit avant, grand Tottenham. J'ai l'année 1960-1961. Je crois que Tim et Kevin ont essayé. En plus, je le dis et je m'entends parler derrière, tu vois. Et juste. Non, mais écoute, on sera égalité, sinon tu vas chialer, hein, je te connais. Ouais, on va mettre égalité, mais du coup, il y a. On va régler ça au whisky coca, mon kéké. S'il revient un jour. Je sais. Et, du coup, je suis un peu embêté parce que on a une égalité. Ah, tranquille. On a Guillaume Laval avec 4 points et Tim avec 4 points. Ouais, c'est beau, ils vont serrer la main après. On fait égalité ou on essaie de départager sur une autre question? Ah, question. Oui. La. Sauf que pour l'instant, j'en ai pas donc de questions. J'avais la date, mais Guillaume l'a dite aussi rapidement, t'aurais dû te taire. Moi, j'en ai une si tu veux. Ouais, Kevin, vas-y, régale-moi. Quel joueur du stade de Reims a inscrit un doublé ce week-end? Oudin. Bah, c'est pas pour toi. Ah, il l'a dit en même temps. Mais... Et ben du coup, Guillaume Laval a eu raison. Allez, dur, ça. Ah, Tim, t'es piégé, désolé. Il s'est vengé. Rémi, de son prénom. J'ai vu que tu le disais. Un gaucher technique à ton image. Je connais Mélanie Oudin, mais. Ma mère qui est là. C'est Guillaume qui finalement remporte ce quiz de cette émission. Merci, Kevin, d'avoir été avec nous. J'ai remporté le combat. Tu nous as régalé. Et j'espère à très vite. Ah, bah. Peut-être l'animateur Florian qui est pas là ce soir, peut-être pour la centième la semaine prochaine je serai là. Ça serait une belle surprise. Si tu veux savoir, on a même parlé avec Flo juste avant l'émission. Petit teasing. On espère ça. Parfait, merci Kevin, à la plus, à la prochaine. Bye tout le monde. Ciao. On t'aime. Bon courage à Dunkerque. Bon, merci messieurs, c'était la fin de ce quiz. Donc Guillaume, tu as remporté ce quiz. On va vite rapidement passer à l'agenda. Ouais. Qui arrive vers nous. pardon, excuse-moi, petit problème à la technique. Et du coup, je te regarde, Guillaume. est-ce que tu peux nous dire sur le foot cette le football, alors cette semaine il n'y a pas de championnat, c'est la coupe de la Ligue avec mardi Montpellier qui reçoit Nantes à 18h45, le Nîmes qui reçoit Saint-Etienne mercredi avec, il y a quoi d'autre, Nice qui reçoit Auxerre, mais les clubs européens sont exemptés encore sur ce tour. En Allemagne, en Espagne, même en Angleterre, c'est les coupes nationales. Donc, il n'y a pas d'affiche alléchante à vous offrir. D'accord. Et les championnats reprennent vendredi avec en Ligue 1 PSG Lille à 20h45. Premier contre deuxième, quand même. Sympa, ouais. Et Naples qui reçoit Empoli, le futur investisseur du PSG. Samedi, qu'est-ce qu'on a ? On a un Wolfsburg Borussia Dortmund en Allemagne. On a le Barça qui se déplace à Vallecano et le Real, peut-être pour le premier match du nouvel entraîneur, qui recevra la grande équipe de Valladolid, supportée ici par monsieur Romain. Mais deux équipes. Samedi en Ligue 1, Lyon reçoit le FC Girondin de Bordeaux et Monaco se déplace à Reims. Samedi aussi, les féminines du Montpellier-Hérault reçoivent le Paris FC. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la Juventus qui reçoit Cagliari samedi et dimanche, le grand choc de la Ligue 1, Montpellier 3e reçoit l'Olympique de Marseille 5e. On n'a que ça. Merci pour ce petit point agenda pour le foot. Tim, pour le tennis, rapidement. L'agenda tennis, quelques matchs sur le pouce. Il y a un duel franco-français avec Gilles Simon contre Pouille. J'ai un Verdasco contre Jérémy Chardy. Raonic contre Tsonga, sympa. Et là, ça, je l'avais en affiche, mais ça se joue actuellement. C'est Richard Gasquet contre Chapovalov. Et ensuite, j'ai Medvedev contre Karim Busta. Et bien sûr, pas de match de Roger, Rafael Djokovic qui sont exemple des premiers tours. Je juste rappelle le tournoi, du coup. Parce que... Oui, pardon, qui est Paris-Bercy, qui est un Masters 1000 et qui va encore donner des points pour le Masters pour les joueurs favoris. Voilà. C'est quoi, c'est le Paris Rolex Masters, non, je crois que ça s'appelle Accor Hotel Arena aussi. Ouais, c'est le Rolex Paris Masters. Ouais. Rolex Paris Masters. Est-ce que je donne mon pronostic et tout ça après? Après, on le fera après. Pour le tennis, tu parles? Non, mon pronostic, c'est pas du tennis. Non, pour le foot, moi, c'est. C'est toi qui t'en occupes des pronostics. Ouais. Oui, ça se passe comme ça maintenant. Et oui, excusez-moi, messieurs, pardon, je vais pas très bien préparer cette émission finalement. Avec Guillaume, au niveau d'un agenda basket. Entre deux équipes en forme à l'ouest ce mercredi, entre les Warriors et les Pelicans. Entre deux équipes qui sont plutôt en forme à l'est, même s'il y a eu déjà quelques premiers échecs, entre Boston et les Pacers. Et un match pour moi assez intéressant entre l'équipe qui était en forme l'année dernière, Philadelphie, qui a un petit peu du mal cette année, et une équipe qui pour l'instant surprend assez, les Detroit Pistons. Ça sera samedi, ça. Merci Guillaume. Romain, un point général. Un petit peu plus général, qu'est-ce que j'ai à vous citer pour le week-end à venir, le GP de Sepang, de MotoGP en Malaisie. Ensuite, on démarre les sports d'hiver, donc pas de ski alpin la semaine prochaine, mais le Big Air de Modena Sky Pass en Italie le 4 novembre. Ou encore le marathon de New York, donc aux États-Unis du côté de l'Athlée. Les championnats du monde d'haltérophilie qui auront lieu au Turkménistan à Ashgabat. C'est très précis, ouais. Plein d'autres choses sans doute pour vous régaler, vous verrez, il y a du gros sport encore cette semaine. Et moi je vais terminer avec une touche rugby, la 9e journée du top 14 avant la trêve internationale, pardon. J'ai quelques matchs intéressants, notamment Castres-Pau, Toulon-Perpignan, un peu le match de la peur aussi, Toulon qui va essayer de se relancer et Perpignan de sortir la tête de l'eau. Toulouse-Bordeaux et surtout Montpellier-Racing qui sera l'affiche de cette journée. Pas mal, c'est ça. Dimanche après-midi à 17h. Voilà. L'agenda sport Montpellier, bon. Peut-être tu veux que je fasse ça rapidement? Rapidement, vas-y, je t'en prie. Donc les grands matchs concernant nos équipes Montpellier-Rennes, du côté du volley, le Montpellier, le MAVUC, MCVUC, je sais maintenant, m'a dit Flo, jouera contre Tourcoing ce vendredi à 20h. Du côté du handball, reprise également avec la Ligue des Champions, et Montpellier qui jouera à Christianstadt samedi à 19h30. Victoire impérative, effectivement, dans cette Ligue des Champions. Pour rappel, comme l'a dit Guillaume, le MHSC qui recevra l'Olympique de Marseille dimanche à 21h. Du côté du rugby, le MHR jouera le Racing à 16h50 dimanche. Et chez les féminines, Rouen dimanche également, mais à 20h. Donc pour ce qui est du MRC, comme MRC. Dirait Paul. Ensuite, les féminines aussi du foot joueront contre le Paris FC, donc pas le PSG, le Paris FC samedi à 15h. Du côté du hockey, Montblanc recevra le Montpellier Vipers mercredi à 20h30. Et Montpellier, d'ailleurs, du côté du hockey, aura deux matchs cette semaine, sachant qu'ils recevront Cergy-Pontoise, région parisienne, pour notre cher Guy. Connais bien. Samedi à 19h à la patinoire Vegapolis. Et enfin, Nice recevra le Montpellier Waterpolo samedi 3 novembre à 20h. Très bien, merci Guillaume pour ce agenda complet de Montpellier. On va terminer avec les petits pronos que nous propose Tim. Le pronostic de la semaine, c'est un match qui a lieu ce soir, c'est Tottenham-Manchester City. Je donne les codes vite fait. Tottenham est à 4,80, le nul 4,10 et Manchester 1,68. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Pour ajouter deux codes sur le pouce, le 1 ou N, donc Tottenham ou match nul est à 2,02 et Kane buteur de 38. D'accord. Et Agüero, il me semble qu'il est à 1,90. Ok. Moi, je vais mettre Manchester. Ouais, Manchester. Avec les deux équipes qui marquent. C'est pas mal ça. Hein. Ouais. On est à 1,50. Ouais. On a quasiment 3 si on met ça. Ouais. Pareil, ouais, je dirais ça aussi. Ouais, les équipes marquent. Il y a un bon coup à faire là. Ouais. C'est à Tottenham, hein, c'est ça, à Tottenham ouais. Par contre. Si on est tous sur cette idée là, on donnerait peut-être les scores. Comme ça. Ouais, tant qu'à y être. Ouais. Un score 3-1 City. Moi, je veux bien un match un peu foufou, 3-2. Ouais, c'est possible. Moi, je mets 2-1 City. Tu peux mettre un but d'Aguero aussi, ouais. D'accord. Et je mets également 2-1 pour Manchester City. Ok, moi je dis 3-1 City. Est-ce que je donne les codes vite fait en tennis ou on n'a pas le temps? Vas-y rapidement, on en 20 secondes, même pas. Même 15 pas. Secondes. Alors mon combiné, moi c'est je mets Benoît Paire contre Fuchsovic à 75, Kukushkin contre Herbert à 2,15, Raonic contre Tsonga à 1,67, Simon qui gagne en 3-7 contre Pouille 3,45, je tente Chardier à 2,15 et je rajoute Sabalenka contre Barty cote à 46. Bon, c'est propre. Ouais. Bon, bah, très bien. Merci Tim pour cet état des lieux au niveau des pronos. C'est la fin de cette émission, de cette 99e édition avant la 100e la semaine prochaine. Comme le nom de Roger. Ouais. Voilà, exactement. Putain, on est coordonnés. C'est bon. Merci à la technique. Merci Tom d'avoir géré cette émission. Merci d'être venu. Merci Guillaume d'être d'avoir fait ton retour avec nous. C'était un plaisir. J'essaierai d'être là pour la 100e, en tout cas au téléphone, si j'ai un peu de temps. C'est bon. Romain qui a co-animé avec moi. Merci comme d'hab, le fidèle lieutenant. Merci à vous. Merci Guillaume et Tim. Et merci à Flo. On va finir par un son de la merci semaine. Merci à Flo, juste, je voulais dire. Bien sûr, qui nous a passé le flambeau et qui nous écoute, je sais, ce soir. Il t'a envoyé aussi quelques petites remarques ou questions. Ça marche. merci Flo, évidemment. J'espère qu'on l'a régalé. Notre animateur préféré qu'on aura évidemment la semaine prochaine pour la 100e édition de Sport & Chill. On va terminer par, messieurs, un peu de nostalgie. Si Montpellier marche bien, pourquoi pas essayer de rêver. Et on va se remémorer ce but d'Aït Fana avec le MHSC en 2012 contre Lille. C'est notamment un service de Giroud. C'est voilà, on va terminer là-dessus. Fana qui maintenant, c'est pas oublié. Merci à tous. J'ai vu au kebab, moi. S'il vous plaît, messieurs, c'est la fin, s'il vous plaît. On va se rappeler. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, bonne semaine à tous. Ce sont les Lillois qui ont la balle, comme ce fut très souvent le cas durant cette première période. Olivier Giroud est parti de sa moitié de terrain, il est donc en position de hors-jeu. C'est peut-être l'occasion à contre. Giroud revient à ses jambes. Olivier Giroud va frapper. Olivier Giroud tente le dribble, il va donner. Oui, le but. Ouais, le but de Aït Fana. Ouais, le but de Karim Aït Fana à la 94e minute. C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique et c'est miraculeux. Oh, que c'est bon, Karim Aït Fana marque le but de la victoire contre Lille à la 94e minute. Exceptionnel. Si Montpellier n'est pas champion ce soir, les Montpellierains iront à Auxerre avec 3 points d'avance sur Paris. Oui, oui les amis, fantastique, fantastique issue à cette partie. Karim Aït Fana sur la contre-attaque d'Olivier Giroud tente la victoire.